un directeur photo qui a travaillé avec des grands noms en tant que réalisateur, que Bong Joon-ho était le réalisateur qui l'avait le plus impressionné en tant que réalisateur, en tant que metteur en scène. Voilà, et donc Okja, déjà, c'est de nouveau, c'est un retour au film de monstre, un peu pour Bong Joon-ho. C'est la suite de Ouija. Même si le film a l'air quand même très différent, vu que... Déjà une suite à Ouija. Hein. Ouija 2. Ce serait le Ouija 3. Bon, vous me laissez dire le pitch, quoi. C'est l'histoire d'une petite fille qui a comme ami un grand monstre sympa. Mais malheureusement, le gouvernement veut mettre la main dessus. Ça s'appelle Quelques minutes après minuit. Voilà, ça nous fait un pont magnifique vers Quelques minutes après minuit. Puisque la dernière fois, dans le dernier épisode de Transmission, Manu disait, avait vu le film en avant-première, en projection de presse, et nous incitait fortement à y aller en disant qu'on allait en parler dans le nouvel épisode de Transmission. Voilà, même si on a mis un petit peu de temps à revenir derrière les micros, on tenait quand même à parler un petit peu de ce film. Donc, qui commence ? On va peut-être laisser commencer Manu, qui pourrait relancer sur là où il s'était arrêté la dernière fois. Mais je t'emmerde, Lucien. Tu vas prendre ton courage à deux mains, tu vas te mettre à parler. Moi je peux dire que comme Manu, j'ai beaucoup aimé le film, mais que je trouve d'une très grande beauté formelle, je trouve d'une intelligence, d'une inventivité visuelle sur comment mettre en image les sentiments, les émotions, ce genre de choses assez impalpables, je trouve assez brillant là-dessus. Il y a une virtuosité hallucinante qui peut rappeler sur certains points la virtuosité de son précédent The Impossible, que moi j'aimais beaucoup moins, parce que justement je trouvais que cette maestria n'était pas au service de grand chose et se faisait un peu voir, tandis que là ce qui en sort c'est une très belle émotion quasi permanente. Moi je l'ai vu le dernier jour dans une salle où il y avait quand même un peu de monde. Il y avait des gens qui sanglotaient, quoi. Je veux dire, c'était pas des gens qui, c'était pas la larme qui coule, quoi. Il y avait je trouve le film intelligent dans cette manière d'opposer aussi réel et imaginaire à travers même sa mise en scène, une mise en scène très très très flamboyante quand on est dans quelque chose de plus onirique et un truc presque qui tient un peu du classicisme dans les scènes plus intimes, je veux dire. Voilà, je rebondirai sur la suite, mais... Ah, c'est à moi alors. Ok. je vous rejoins tous les deux plutôt sur le film, mais moi, il y a quelque chose qui m'a empêché de plonger complètement dans ce film, même si je vous rejoins sur la beauté des passages en animation qui sont absolument incroyables. Et qui sont loin des standards actuels qu'on peut imaginer en ce type de production. les apparitions du monstre aussi, voilà, qui sont chacune différente, chacune inattendue. Enfin, attendue, mais en tout cas mise en scène de manière très... évolutive au fur et à mesure du métrage. Là où j'ai peut-être... Je ne sais pas ce qui m'a vraiment empêché dans le film. Je trouvais que le jeune comédien, il est peut-être toujours dans la même note, même si la note augmente en intensité, mais je le trouve... Et qu'il la tient quand même bien. Oui, il la tient bien, mais je ne sais pas. Il y avait quelque chose qui m'a empêché d'être à fond avec ce petit gamin, notamment parce qu'il y a une idée aussi que je trouve géniale, c'est que le quelques minutes après minuit se distord complètement en fait tout au fur et à mesure du film, c'est-à-dire qu'après un moment il décide que le monstre arrive, et ça crée, je pense, la plus belle séquence du film, qui est la séquence où il va détruire le salon de sa grand-mère, oui, qui est incarnée par Sigourney Weaver. C'est une évidence. Je l'avais jamais imaginé comme ça. Je la trouve, vraiment. Ça fait du bien de voir un réalisateur re-regarder avec son âge, en assumant ce qu'elle a été, de pas jouer juste personnage référentiel à ce qu'elle a incarné par le passé, lui offrir un vrai rôle de cinéma qu'on n'a plus tellement... vu depuis très longtemps, quoi. C'est tellement, ouais, comme je dis, une évidence. Quand on la voit, on peut même pas penser que ça n'ait pas été pensé avant, quoi.

C'est une part très importante dans le film. Bah, je pense de toute façon que c'est un film qui est essentiellement fort écrit. Par son écriture. Oui, oui, justement. Peut-être que c'est un petit peu ça le problème, d'ailleurs. C'est à la fois sa plus grande qualité et son plus grand défaut, je pense. Voilà. Bon, alors, qu'est-ce que tu veux dire par là, Lucien ? Vas-y, commence sur Manchester by the Sea. Mais je trouve d'abord le... Enfin... Oh, merde. Que oui, il y a énormément d'extrêmement belles idées d'écriture qui sont généralement... très justement et finement souligné par une mise en scène qui en fait pas trop, mais enfin oui, on en reviendra entre autres sur des utilisations de la musique assez risquées, ce genre de choses, mais je pense donc tu es On peut faire une relance. Très bien. Ce sera plus simple. Bon bah on va commencer donc. Donc donc son écriture qui serait à la fois sa plus grande force et peut-être sa faiblesse. Manu, si tu commençais sur Manchester by the Sea. Manchester by the Sea, j'y suis allé un petit peu sans aucun a priori, ne connaissant pas du tout le reste de l'œuvre de Kenneth Lonergan. De Kenneth Lonergan. Mais j'ai plutôt été assez séduit par le film. Je trouve que, bon, même s'il manque peut-être un petit peu de concision sur la longueur, mais cette histoire de deuil qui en cache un autre, la manière dont le film est construit, comment progressivement va se révéler le passé de Affleck, qui est montré de manière impressionniste par des petits flashbacks qui vont vraiment se concrétiser autour d'une scène pivot qui est la scène qui se passe chez le notaire et qui est pleinement développée, où on a vraiment un rythme quasiment musical d'aller-retour entre cette session chez le notaire et le passé traumatique du personnage et pourquoi il ne peut plus revenir dans cette ville-là et qu'est-ce qui a été ce chemin de non-retour. Mais C'est une structure que je trouve était assez irritante en début de, enfin irritante non que dont je ne comprenais pas la finalité en début de film, et en fait on peut en parler sans en dévoiler trop, mais il y a le climax du film, il arrive au milieu, quoi. C'est pas il est oui et non. Pour revenir sur cette... On va dire qu'il y a un double climax aussi, mais enfin, oui. Une sorte de... En tout cas, le chemin dramatique du film, c'est de trouver une solution pour son neveu. Oui, mais voilà, laquelle on s'intéresse au final, pas tellement au début, parce que cette espèce de construction nous intéresse à plus à autre chose. Oui. Et puis arrive ce que j'ai appelé le climax, qu'on peut appeler autrement, mais cette espèce de point culminant de cette partie-là du récit au milieu du film, je crois, après une heure, un truc comme ça, peut-être une heure et demie, mais enfin, relativement... Oui, et puis alors, c'est après qu'on commence à... Et c'est là que je trouve que cette deuxième histoire, qui est en fait la première, devient la plus belle et la plus touchante, c'est dans cette espèce d'après-climax. Les réserves que j'ai, qui sont légères, parce que j'aime beaucoup le film, mais... sur cette structure alambiquée tiennent dans les trois premiers quarts d'heure. Bah moi justement je trouve ça vachement plus intéressant, en fait. Le fait qu'il y ait cette révélation au milieu du film, ça met le spectateur un peu en retard dans la première partie, parce que tout le monde sait ce qui s'est passé, ce qui est arrivé à ce pauvre Lee Chandler. Et nous, on a toujours un train de retard. Et c'est révélé, je trouve, vraiment au bon moment de la narration, justement. Ça ne devient pas irritant. C'est pas révélé tellement tard que ça en deviendrait irritant. Et, je trouve aussi intéressant que cette révélation arrive à cet endroit-là. C'est juste que dans la première, allez, je dirais les 20 premières minutes, première demi-heure, je me questionne sur l'utilité. Mais après, je l'oublie parce qu'arrive ce qui vient après, évidemment. Mais je pense que ce que peut-être tu veux dire, Olive, c'est que ça défausse. Ça défausse un peu la suite. Et je pense, pour moi, pour le coup, la deuxième grande confrontation, deuxième grande scène à faire, parce qu'on parle vraiment de scène à faire, puis scène de la révélation, et puis après la scène de confrontation avec son ex. Son ex, ouais. Elle est. moi, elle ne m'a pas pris comme j'ai l'impression qu'elle doit être conçue pour le coup. L'émotion n'y est pas du tout dans cette confrontation. Parce que j'ai l'impression que Affleck, dans cette scène-là, j'ai l'impression qu'Affleck joue encore le personnage qu'il est dans la première partie. Et plus celui qui a révélé quelque chose. Et qu'à un moment, il y a une sorte de désaccord entre le jeu de Williams et d'Affleck dans cette scène-là, qui fait qu'à un moment, alors que je l'ai toujours trouvé très bien dans ses rares apparitions, Williams, je la trouve un peu en surjeu parce que lui est tellement en sous-jeu à ce moment-là et que en fait, elle me met plus à distance que je me projette dans cette scène-là. Parce que tout d'un coup, je vois deux différences de jeu qui ne matchent pas. Moi j'aime beaucoup, je comprends ce que tu veux dire, et c'est vrai qu'il y a une rupture sur les codes de jeu, comme on pourrait appeler ça, mais je trouve la scène très, très belle parce que Affleck à ce moment-là est à l'image du film, c'est-à-dire une sorte de... Enfin, il a une manière dans son jeu de laisser poindre l'émotion comme par très légère brèche, comme s'il craquait à chaque fois un millième de seconde, et que c'est par là que s'immisçait le c'est là qu'on voit les gouffres, les abysses de souffrance. C'est ça, mais c'est ça, personnage. Et le film est construit comme ça, et le jeu d'Affleck est construit est comme ça, et je trouve que c'est particulièrement visible dans cette scène là et c'est quelque chose que je trouve très beau, malgré, comme tu dis, cette espèce de rupture entre les codes de jeu des deux acteurs, mais je trouve que la scène fonctionne quand même en termes d'émotion assez bien, peut-être moins bien que la première révélation. Moi typiquement ça m'a fait penser à une scène assez récente que j'ai vue dans un film qui était Out of Furness, je sais plus comment était le titre, je me souviens avec Christian Bale et Woody Harrelson. Non, justement, l'actrice, ah, c'est ouais. Avec Christian Bale et c'est pas Zoé Saldana, c'est... Je sais plus, mais... Il y a une scène similaire dans Out of Furness de confrontation entre un couple qui est devenu irréconciliable, et je trouvais la scène fonctionnait beaucoup plus dans son émotion, même si le film n'est pas forcément amplement réussi, Out of Furness, mais dans la séquence de confrontation, en fait... J'ai l'impression qu'elle était quasiment de trop, en fait. Qu'elle ne m'apportait rien de plus. Je vois l'idée dans l'écriture, mais dans l'accomplissement de ce qui se passe à l'écran, je ne la trouve pas effective. Je vois ce qui cherche et ce qui va être le déclencheur du changement de position, de position du personnage sur la dernière partie, mais je trouve que ça marche... à l'écrit, pas forcément dans la scène en tant que telle. Moi, je trouve justement qu'il n'y a pas de déclenchement. Enfin, ça ne va pas transformer le personnage de Casey Affleck, puisque le personnage de Casey Affleck... Il est déjà transformé. Comme tu disais, c'est un couple irréconciliable. Casey Affleck, il est inconsolable. Il ne changera pas tout au long du film. Oui, mais c'est uniquement à partir de cette scène-là qu'il va prendre vraiment des décisions effectives par rapport au fils. Je veux dire, il y a quand même, à partir de ce moment-là, il perce un petit peu, il dévoile un peu plus de son humanité vis-à-vis du gamin, de décisions qu'il prend, de reconstruire quand même sa vie en partie, ce qui n'a pas été le cas auparavant. Donc je vois pourquoi elle est placée là, cette scène-là, mais en termes d'émotion, je trouve qu'elle ne marche pas, alors que je trouve le film plutôt assez brillant sur tout le reste, sur le soin apporté à la manière de dépeindre cette petite ville côtière, le soin apporté à tous les seconds rôles qui ont beau apparaître quelques secondes à l'écran. Pour le coup, on parlera peut-être plus tard d'un film où il y a une flopée de seconds rôles, mais pour moi, qui s'efface complètement. Là, il y a un soin, chaque personnage est brossé, mais avec brio, qui apparaît une ou deux fois l'hosto, et tu comprends tout de suite la relation qui a lié cette famille-là avec ce membre du personnel et ce membre du corps médical. Je trouve que c'est hyper fin à ce niveau-là, dans la caractérisation des personnages. Le film est assez impressionnant. C'est un film qui est brillamment écrit, et il y a certains moments où je comprenais la démarche, enfin je comprenais ce que voulait me faire, ce que m'apportait le film à travers son scénario avant de le ressentir ou de le voir à l'écran. Une manière de... comme quand on dit d'un film qui est trop écrit, c'est ça, je comprenais tout à fait ce qui se passe dans le scénario sans pour autant l'arriver à le voir à l'écran. Je sais pas si je me fais comprendre. Non. Attends, non, mais je veux dire, il y a des exemples, des scènes. Je pense à la scène où il retourne chez sa mère par la suite, où je comprends exactement l'utilité qu'elle a, je vois ce qui s'y passe, je comprends tout, mais je trouve à l'écran, au final, elle ne marche pas tellement. Pourtant, je l'aurais lu, je pense, on me donne le scénario, je dis c'est génial. Et à l'écran, ça marche moins. Voilà, donc là, on arrive là où je voulais en venir tout à l'heure, mais c'est que. Je trouve que c'est un film en effet brillamment écrit, brillamment interprété, mais que peut-être que... Un film de dramaturge, quoi. Ouais, voilà, mais que peut-être que du coup, le réalisateur fait trop confiance à cette écriture et à ces acteurs et oublie d'incarner ça dans sa mise en scène, dans sa mise en image, dans son découpage, dans son montage. Et que je trouve que le film reste assez... comment dire ? Il est un peu ronflant, c'est-à-dire que il n'y a pas beaucoup de pics émotionnels, je trouve, mis à part les deux scènes dont on a parlé, on a détaillé, mais je trouve que sinon le film est un peu sur des rails et je trouve qu'il est, il manque un peu de relief, un peu comme le jeu de Salafleck. Mais sinon, je voulais dire aussi une dernière chose, c'est que voilà, on a énormément entendu parler de ce film comme quoi c'était à se tirer une balle, que c'était triste, que c'était gris, etc. Mais en fait, le film, il faut le dire, qu'il y a plein, il y a pas mal de moments qui sont assez drôles dans le film. Il y a pas mal d'humour et qui passe notamment par ce personnage du neveu qui est beaucoup plus solaire, lumineux, tourné vers la vie que son oncle, et donc tout l'humour arrive quasiment via ce personnage là. Oui, non, c'est pas un film binaire à ce niveau là, dans une seule tonalité. Justement, c'est la force aussi d'avoir ce contrepoids avec le fils qui joue vraiment, on serait pas dans un buddy movie mais presque entre les deux, mais qui ouvre quand même le film et au final va ouvrir à Fleck, mais ça permet justement au film de ne pas être aussi plombant de par la durée, de par plein de choses, parce que sinon il... D'ailleurs, la réaction du fils à la mort de son père est complètement inattendue. Elle est géniale. Et très très excellente, quoi, je trouve. Mmh. Parce que justement, ça laisse... parce que justement, c'est inattendu et qu'on n'est pas tourné vers le gris, le triste, et voilà. Parce qu'en plus, le personnage s'attend à la mort de son père. Donc, c'est complètement justifié. Et moi, je trouve que ça accroche d'autant plus au personnage. Tu dis que les personnages secondaires, les personnages principaux, sont tous, en effet, très bien décrits dans le film. C'est à ça aussi que servent certaines scènes dont je parlais. Quand je dis des scènes qui ne marchent pas spécialement, elles sont loin d'être inutiles. Hein, parce que parfois, il y a des personnages qui naissent de ces scènes-là, etc. C'est juste des... où je voyais plus les intentions que la finalité, qu'une éventuelle réussite de la scène. Et en effet, sur les scènes comiques, c'est jamais à se taper le cul par terre. Mais il y a des trucs qui sont franchement drôles. Des trucs qui sont franchement drôles, mais on rit. Est-ce qu'on rit vraiment ? Non. Le date, l'espèce de date arrangé entre... Ouais, c'est vrai que c'est drôle. Voilà. En fait, la plupart des discussions... De l'oncle et du neveu sur le sexe opposé sont généralement assez cocasses, assez drôles. Peut-être un mot sur une utilisation de la musique que je trouve extrêmement audacieuse et à chaque fois je me dis putain, non, ça c'est pas possible, et en fait ça marche pas si mal, je trouve. Et c'est ça, j'étais très étonné à chaque fois quand je sentais venir le truc, je me disais non, ça va pas être possible, et en fait sorte de violon qui arrive comme ça à des moments très très très étranges, et je trouve qu'il y a une utilisation de ce code qui est quand même très régulier, enfin, et parfois très lourd dans le mélodrame, parce que on va peut-être pas parler tout de suite de Jackie, quoi, mais c'est parce que je pense que on peut considérer ça comme un mélodrame, parce que, enfin, qui est un genre tout comme la un comédie buddy movie musicale. mélodramatique. Non, mais qui est un genre comme la comédie musicale dont on parlera plus tard, qui est qu'on voit de moins en moins, il me semble. Je sais pas. Okay, non, mais non, mais après, sur l'utilisation de la musique, justement, je serais assez curieux de savoir comment, justement, cette scène pivot du milieu, parce qu'on parle justement du côté, quelquefois peut-être envahissant, de l'écriture sur la forme du film. Je serais très curieux de savoir comment cette scène, justement, de révélation a été composée, si elle a été vraiment composée autant au montage complètement à l'écriture, mais je trouve qu'il arrive à une vraie musicalité dans cette scène-là, et c'est pour ça, pour moi, qu'elle fonctionne aussi bien. C'est parce que je sais pas, ça doit être quand même une scène qui doit s'étirer sur plus d'une dizaine de minutes, à mon avis. On est vraiment dans un aller-retour et qui est complètement fluide entre ce passé et ce présent, et qui marche vachement bien, et qui en fait, au final, même sert les films, les scènes en tant que telles dans le passé ne sont pas. Je te coupe juste une petite seconde, mais c'est là-dessus que je ne suis pas tout à fait d'accord quand tu disais ronflant, parce que je trouve cette scène-là particulièrement, on sait, enfin on imagine en tout cas, on peut imaginer le genre de choses qu'on va apprendre, et je trouve le film, enfin ces scènes assez peu tendues, mais avec des coups de couteau comme ça, enfin des pics d'intensité très forts et très courts. Régulièrement sur les 20 minutes qui tournent autour de cette scène clé, que je trouve assez brillant. Et c'est à ces moments-là, ça pouvait durer parfois une seconde, que j'ai eu le plus Mais d'émotion. oui, je dis quand j'ai dit ronflant, c'était en mettant à part justement cette énorme révélation du milieu, et en effet l'espèce de second climax qui serait cette confrontation avec Michelle Williams à la fin. Mais du coup, peut-être que le côté un peu déceptif du film, peut-être un peu trop long, etc., vient du fait de la deuxième partie. On a atteint une telle intensité au milieu du film que du coup, dans la deuxième partie, la résolution du conflit avec le neveu, j'attends un peu que ça arrive, quoi. Je Ouais, mais suis un peu. c'est aussi la plus douce et la plus jolie, on pourrait dire, ou la plus douce, cette deuxième partie, je trouve, avec cette voilà, tu parlais de cette manière de filmer le décorum du film, qui est très intéressante. Cette sorte de lumière hivernale un peu permanente, qui est presque un peu qui peut être considérée comme un enfin comme tu parlais de grisaille tout à l'heure, le film à ce niveau-là est jamais gris. Et une sorte de enfin il y a une douceur qui s'immisce dans le film tout du long, et je trouve qu'elle est particulièrement qu'elle marche le mieux dans cette deuxième partie, qui est peut-être la moins fascinante en termes d'écriture. Et alors, tu as dit une phrase tout à l'heure, je ne saurais plus la citer Mais elle exactement. était à chier. Non, mais justement, elle résume exactement ce propos que j'ai essayé de développer pendant 2 minutes et que tu as Je savais. résumé en une phrase, qui était qu'en gros, le problème, c'est pas tellement qu'il y a des scènes qui ne marchent pas ou qui seraient trop écrites, c'est que parfois on voit l'écriture dans la mise en scène, en fait. Enfin, dans le. Mais c'est que le problème, à part moment, tu t'investis complètement dans le film, tu t'investis complètement dans ce décor, dans ces personnages, et par moment, tu vois les intentions C'est d'écriture. ça, Et c'est exactement. quand même c'est ça qui m'empêche d'en faire une grosse claque, ce qu'il aurait pu être dans sa première partie, où vraiment, sans aucune attente, j'ai été assez bluffé par le film. Et puis, à un moment, ça s'est un peu étiolé, parce qu'à des moments, je trouve que cette écriture impressionniste, ou par moments d'accumulation de petits segments, qui fait que le film aussi dure très longtemps, mais à un moment ça dilue aussi un peu les enjeux, ça dilue aussi une certaine émotion. Mais en tout cas, je serais très curieux de voir ce que va donner le cinéma de Lonergan par la suite, quoi. Ouais, moi j'ai pas vu ces autres films, je serais curieux de les voir aussi. Il y a des scènes, on peut peut-être, enfin moi je peux citer les scènes ça m'a particulièrement frappé. Je pense à la scène d'ouverture par exemple, j'y ai repensé par la suite. Ou la scène d'ouverture par exemple, où tout de suite d'emblée je vois l'ambition du réalisateur. Les scènes, enfin du Ça, c'est scénariste. parce que t'as souvent réparé la tuyauterie chez des femmes cougars, quoi. Ne parle pas trop de ma vie privée, s'il te plaît. Non, mais les scènes dans le bar aussi, comme je disais, la scène chez la mère où, ok, je comprends son importance. Mais pour moi, ça, enfin, c'est pas des choses qui se règlent aussi facilement au cinéma, en tout cas. Donc voilà. Bon, très bien. Bah écoutez, pour en finir avec le deuil, je propose qu'on parle de Jackie. Ok. Jackie, c'est le nouveau film de Pablo Larraín, donc ou Larraín, je sais pas exactement comment on dit. Enfin bon, bref, le réalisateur chilien, auteur de No, de El Club, de Neruda, qui s'intéresse donc aux quelques jours qui suivent l'assassinat de Kennedy, mais donc vu du point de vue de Jackie Kennedy Onassis. Le film est interprété par Nathalie Portman dans le rôle titre. Il y a aussi Peter Sarsgaard qui joue Bob Kennedy. Et on a aussi Greta Gerwig, je me suis posé la question pendant une demi-heure de mais tiens, qui est cette actrice? Je la connais. Voilà. Et surtout, on a John Hurt dans sûrement sa dernière apparition au cinéma. Exactement. C'est Il y a la aussi dernière. John Hurt dans sa dernière apparition. Bon, bah, je vais commencer sur Jackie alors, parce que j'ai pas énormément de choses à en dire. J'ai trouvé le film assez insupportable. Je trouve qu'il y a un très très beau travail sur l'image et les archives notamment. Ça oui. Après, je trouve que dramatiquement, la construction du film est catastrophique. J'avais l'impression qu'on avait mis le scénario dans un shaker. Enfin, je sais pas si ça s'est joué au scénario, si ça s'est joué au montage, mais moi, j'ai aucune émotion quand je vois le film. Je sais pas pourquoi on me raconte ça. Je sais pas pourquoi, à quel moment Mais avant l'autre. Je sais pas ce qu'on me raconte. faut juste préciser que le film est narré sur deux temporalités, celle où Jackie Onassis se confie à un journaliste et le moment qui c'est sur plusieurs Post-attentat, mais le moment le post-attentat, film il se raconte revient. sur plusieurs sur sur plusieurs faut bien rappeler que le film se pose sur plusieurs temporalités. Et ce qui sert de fil conducteur est le récit que Jackie Onassis fait à un journaliste interprété par Billy Crudup. Et je trouve que la Crudup. crop par un Billy journaliste Crudup. Il crotte sur la langue. et que le récit que fait Jackie Onassis auprès d'un journaliste, et je trouve que cette structure qui fonctionne en un aller-retour ne fonctionne jamais. Chaque fois que tu en reviens sur cette conversation, on s'écrase, le récit s'écrase complètement. Mais Mais même ce qui se passe au passé autour de l'attentat est aussi complètement mélangé. Enfin, je veux dire, tu retournes jamais, t'as pas deux linéarités. C'est Ah ouais, mais moi je trouve que c'est parce que je trouve que c'est une force du film en fait. bah. J'adore pas le film, je me suis même plutôt ennuyé, mais je trouve que avec plus le temps passait en fait, plus le temps plus il y avait des trucs qui me revenaient, ce qui est loin d'être toujours le cas. Moi je pense ce que j'ai aimé dans le film, on reviendra sur d'autres choses après, mais ce que j'ai aimé dans le film c'est cette manière d'être au plus près du chaos. Pour moi c'est un film sur le chaos. Et je pense que cette forme chaotique est presque le propos du film. Et je trouve qu'il y a vraiment des belles idées. Par exemple, tu parles de l'attentat qui est vu sous différents angles plusieurs fois de manière assez répétitive. Non, l'attentat n'est pas montré de manière répétitive sous plusieurs angles, c'est juste Pas que sous plusieurs tu angles, y mais reviens. à différents moments. Donc tu le Ouais. vois de manière différente. C'est ça que je veux dire, quoi. C'est pas sinon, les images sont sensiblement les mêmes. Mais, du coup, je me suis perdu. Non, mais c'est. Ouais, moi, par exemple, ça c'est un exemple de ce que j'ai trouvé intéressant dans le film. Cette manière de revenir à cette jeunesse du film, en fait, et à trois moments, je crois, différents dans le film, et à chaque fois de le voir d'une manière totalement différente, avec un œil, je trouve, totalement différent. Moi, j'ai l'impression que c'est un cache-misère pour un film qui sait pas du tout ce qu'il a à raconter, qui balance plein de pistes, qui au final appuie son propos dans deux trois monologues finaux Mais c'est sûr que là. pour appuyer très lourdement le certaines thématiques. Et ça, pour le coup, moi j'ai pas pu me détacher du nom d'Darren Aronofsky au début du film, parce que j'ai vraiment l'impression de voir un film d'Aronofsky par moment, tellement c'est une lourdeur continuelle dans la forme, dans la musique, dans l'interprétation, où c'est d'une là pour le coup ça manque de. Moi je trouve personnellement Nathalie Portman très mauvaise dans le film. Ah mais oui, mais parce Mais moi je qu'elle trouve qu'elle a des hauts, des bas, elle et joue parce qu'elle à joue la limite de différents la personnages en fait. caricature, elle ne s'efface jamais derrière le personnage, tu vois juste tout le temps une. Pour moi, elle interprète différents personnages. Elle interprète le même personnage à des moments tellement différents qu'elle les joue de manière très différente. Je la trouve parfois très juste et parfois complètement insupportable. Donc, moi, je pense que, en fait, enfin, je sais pas si c'est totalement involontaire de la part du réalisateur et qu'il a fait un objet complètement foutraque, mais qui m'a d'une certaine manière un peu fasciné, ou si c'est une volonté, auquel cas je trouve ça pas si mal. Je trouve que si fascination Si il y a, fascination il y a. si fascination il y a, elle est purement plastique, esthétique. Je trouve qu'il y a un travail quand même. Je sais pas exactement comment ils ont fait. Ils ont dû tourner une partie en péloche, une partie en numérique. En tout cas, il y a vraiment différents travails sur le grain de l'image qui donne un relief entre encore une fois, comme entre réalité et fiction, Ouais, mais manière de réinterpréter des ça a quand images qui même été existaient déjà. sur le même sujet, ça a été fait quand même mille fois plus Mille fois, mais. brillamment par Oliver Stone sur JFK. Je veux Sauf dire, le que traitement lui. des archives, etc., il est vu et rebattu. Même sur cet aspect-là esthétique, je trouve que le film est oui, il est peut-être beau par petits moments, mais c'est tout. Mais il est creux. Il est complètement creux, il est une vacuité totale. La musique est juste insupportable. C'est une sorte de version arty d'Alzheimer. Ouais, non, c'est ambient acoustique, quoi. J'avais déjà eu ce souci-là sur pour le coup, Under un the film. Skin. Hein? Sur Under the Skin. Sur Under the Skin, Ouais. moi, c'était vraiment. Ça me plombait. Après, il y avait d'autres réserves sur le film, mais ça, c'est aussi un des aspects. Je trouve la musique juste insupportable. Mais elle a l'image du film, qui, pour moi, en plus, dans ses mises en place, tu sens construit sur des longs passages où les personnages déambulent dans des décors et où on recompose au montage, où il y a une absence de cadre. Qui fait que le film est complètement bordélique, qu'on a des allers-retours, on revient sur des personnages, tu sais pas pourquoi. Il y a une gestion de la temporalité qui est vraiment complètement anarchique et qui, au final, essaie de se justifier avec un dernier dialogue qui est surappuyé avec le journaliste où, bah oui, tu as compris qu'on va te parler de la légende et comment elle a construit la légende de son mari, et plus un des dialogues reappuyés avec monsieur le curé joué par John Hurt. C'est tout ça, et pourtant c'est peut-être l'un des films les plus courts de la sélection en termes de durée. Il fait 1h30 et c'est le film que j'ai senti passer la durée, mais j'ai l'impression de passer 3 heures au cinéma. Ouais, À chaque minute était insupportable. bah, moi aussi, mais je vous trouve extrêmement dur parce que, en fait, je suis d'accord avec vous, sauf que j'ai pris le film par hasard, hein, c'était pas une volonté de ma part, c'est juste que à partir d'un moment, je me suis dit, ok, si j'essaye de suivre quoi que ce soit, si je suis réfractaire au truc, c'est sûr que je vais me faire chier pendant 1h40, je vais le prendre comme il m'est donné. C'est vrai que c'est. Le film est complètement bordélique, le film part dans tous les sens, le film est. Il est lourdingue. Il est lourdingue. Regarde la Mais façon dont par exemple, elle est habillée, elle déambule dans ses décors de carton-pâte, parce qu'il y a vraiment cette idée de faire vraiment le off de l'attentat. Donc on est quasiment que entre quatre murs, dans des plans en plus très rapprochés sur Nathalie Portman, où elle déambule dans des salons. Et tout le propos sur le côté un peu potiche qu'elle peut avoir est surappuyé par oui, elle la, change, elle n'est la, pas comme la, ça la, tout du la long. manière dont ils reprennent les archives, qui est vrai, les archives d'origine avec Jackie Onassis qui La Maison présente Blanche, la la visite Maison de la Maison Blanche, elle Blanche. est hyper mal à l'aise, et t'as l'impression qu'elle est un petit peu attardée dans les archives, mais parce qu'elle est juste mal à l'aise. Sauf que quand Nathalie Portman surjoue ça ou rejoue ça, c'est sursignifiant, et on se retape après un plan de fin avec Nathalie Portman qui est en voiture et qui voit des mannequins qui sont transportés dans un camion. Ouais, on a compris ce que tu étais en train de dire sur la place de la femme à ce moment-là, sur la place de Jackie Onassis. Tu nous l'as appuyé au burin, au marteau, on a tout compris. Merci Darren. Merci C'est pas Darren Aronofsky le réalisateur, je précise. Ben, moi, Pablo je me pose des Larraín. questions à quel point Voilà. le film a été tellement porté par Aronofsky Sorti qu'il emporte en la même marque en temps que fer Neruda rouge, aussi. quoi. Je sais pas, parce que moi, enfin, sur ce réalisateur-là, j'avais beaucoup aimé No, avec l'acteur, le petit là, Gaël Garcia Bernal. Sur ses autres films, enfin, j'avais vraiment pas aimé El Club, un petit peu plus Neruda, même si il y avait déjà cet artifice et tout. Je trouve que c'est un réalisateur qui se la pète, quoi. Quand il fait les. Il fuit les champs contre champs dans son film. Alors du coup, il te fait des espèces de séquences où tu as des espèces de filets comme ça, où les acteurs attendent bien que la caméra soit sur eux pour balancer leurs répliques. Et ça alourdit tout. Il y a une séquence avec Bob Kennedy aussi qui surjoue à mort. C'est pas possible. Et voilà, le film est complètement bordélique, vidé de son sens, complètement. Une espèce d'objet comme ça qui se voudrait arty et qui est juste imbitable quoi, pour moi. C'est tout? Lucien, tu veux pas racheter le film? Non, mais parce qu'en même temps, c'est pas un film, c'est pas un film que j'ai envie de défendre bec et ongles, mais j'y ai trouvé. Mais par exemple, tu parles tout à l'heure de dialogues finaux, je sais pas, moi, je m'en souviens même pas. Donc c'est pour dire que mon intérêt était absolument autre. Je serais incapable de me rappeler toutes les parties avec merde, Bill Crudup. Billy Crudup, Billy Crudup, je les ai, enfin, je me souviens absolument plus de quoi, enfin, de ce qui s'y raconte, etc. Je m'en foutais complètement. ouais. Peut-être que Bah, c'est qu'elle construit sa légende, elle veut mais c'est pas la qu'on construit la la voit en train de légende, fumer. on va reprendre la Oui, on... c'est ça. Oui, d'accord. Mais ça reste. Mais je veux dire, je pourrais plus citer une ligne de dialogue ou quoi que ce Et soit. puis quand tu Mais reprends une structure qui est celle de Citizen Kane, parce que grosso modo tu refais un biopic et tu reprends cette structure-là et le fait qu'en fait on aura beau te raconter ce récit-là, tu n'en sauras rien vraiment de qui est le personnage. Il n'en fait rien. Il n'en fait rien. En plus, au final, il voudrait te dire qu'on n'apprendra rien du personnage, puisqu'elle ne cesse de répéter aux journalistes je ne vous ai jamais dit ça, je réécris, etc. Et au final, il martèle quand même un discours sur la place de la femme, sur la façon dont elle a construit la légende. Au final, il est hyper explicite à la fin sur ce qu'il veut dire. Vous n'avez pas compris? Ok, je vous mets un petit sticker prêt à penser avant la sortie du film. Je supporte pas, moi, les films qui m'édictent en fin de métrage ce que je dois penser du film. C'est pour moi, ouais, c'est sauf un que aveu d'avoir complètement planté son film auparavant. t'as tout à fait raison là-dessus, sauf que je pense, je suis, c'est marrant parce que je suis absolument d'accord avec vous et je pense que y a différentes lectures au film. Parce que moi je suis complètement C'est pas parce passé que à tu mets côté de plusieurs ça. post-it qu'il y a plusieurs lectures, hein, Non, non, mais en tant que plusieurs positionnements de spectateurs, je veux dire, moi je suis passé totalement à côté de ça. Mais j'ai vu, comme je dis, il y a des moments où je décrochais complètement, mais j'aime l'idée d'aller filmer au plus près le chaos de ce qui est, comme le dit Toré, le film le plus analysé de l'histoire du cinéma américain, et peut-être le plus analysé de l'histoire du cinéma. Et cette manière Tu d'aller. parles du film de l'assassinat Bah oui, Kennedy. bien Mais sûr, oui. le film, le film, le Zapruder film, il en fait rien. Parce que c'est réduit à peau de Ah chagrin et non, c'est dans pas. le film, c'est pas le cas. Je parle juste du concept, quoi, enfin, De l'événement historique, de de l'assassinat de d'aller Kennedy et tout ce qui est chercher tourné autour. cette espèce de rien, mais qui en de chaos. Moi, je vois pas. C'est pour ça que je voyais cette forme. Je me suis demandé à un moment si c'était pas voulu de faire un truc complètement bordélique, parce que c'est un film chaotique, mais dont le sujet même, enfin, de ce que j'ai retiré du film, moi, était le chaos. Donc ça m'a semblé d'une certaine manière, ça m'a pas dérangé à ce niveau-là. Après, il y a plein de trucs qui m'ont fait chier dans le film. Puis que tu crois jamais à Nathalie Portman en Jackie Kennedy. Mais non, Tu mais vois c'est Nathalie ça, on voit Portman. Nathalie Portman, mais c'est ça qui est, enfin, moi c'est ça que j'ai trouvé intéressant aussi. J'ai jamais pris ça comme un film sur Jackie Kennedy, quoi. Ouais, mais bon, un film brechtien sur l'assassinat de Kennedy, je vois pas trop le propos, quoi. Je sais pas, mais. Très bien. Bon, bah pour relever un petit peu l'ambiance, on va parler tout de suite de La La Land. Manu jette ses notes par terre dans un accès de rage. Ouais, je vais me mettre à chanter. Oui, c'est ça. C'est parti. Alors, attends une seconde, je mets mon truc. Oui, il n'y a qu'un sens, tu peux pas te planter. Allô? Alors. Allô? La La Land, c'est le film événement. Le voilà, le film événement. C'était pas Premier Contact, en fait, c'est La La Land, le film qui va tout rafler, le film qui passe dans des versions doublées en turc dans tous les pitadorums du pays. Surtout à Liège. Surtout à Liège. Donc, oui, c'est l'histoire. Donc, c'est le nouveau film de Damien Chazelle avec Ryan Gosling et Emma Stone. On devrait même dire plutôt avec Emma Stone et Ryan Gosling. On peut les appeler des Eyes. Oui, voilà. Little and Big Eyes. Voilà, c'est ça. Et donc, ça se passe à Los Angeles. C'est une comédie musicale. C'est le nouveau film de Damien Chazelle, je l'ai déjà dit. Donc, le réalisateur de Whiplash. C'est quoi ? C'est une comédie musicale ? Je crois qu'on va déjà pas être d'accord, mais bon. Ah oui, c'est une comi-tragédie musicale à moitié. Et donc, bref, c'est l'histoire d'Emma Stone. C'est une aspirante actrice à Los Angeles de nos jours. Et elle rencontre Ryan Gosling, qui est un pianiste de jazz dont le souhait est d'ouvrir un club de jazz qui serait super puriste sur qu'est-ce que c'est que le jazz. Dans le cas d'idée, bon de se vautrer dans les clubs en cuir et boire du whisky. Ouais. Et donc, c'est leur histoire d'amour, en gros, c'est ça, La La Land. Alors, qui veut développer sur ce film très attendu, très commenté et surtout surblindé de prix et de public ? Monsieur Manuel, As, allez-y. Allez, c'est moi qui m'y colle. La La Land, non, j'avais quand même une certaine attente au-delà du buzz médiatique qui tient, je pense, principalement au couple star. Emma Stone, Ryan Gosling, qu'on a déjà vu dans Crazy Stupid Love, et donc je pense qu'il y a une certaine attente, qu'il y a le côté star glamour qu'on essaie qu'on nous vend et qu'on le film est glamour. Qu'on nous survend et qui est vachement vendu nos seins. Moi, ma grosse attente, c'était au niveau de Chazelle, qui avait quand même fait une forte impression avec Whiplash. La première partie m'a un peu décontenancé parce que je trouve que jusqu'au moment où le destin des personnages se livre réellement, qu'il y a vraiment un choix qui est opéré par Emma Stone de faire une partie du chemin avec Ryan Gosling. Je trouve que le film fonctionne assez peu. Je trouvais que je ne retrouvais pas du tout le sens du tempo qui était à l'œuvre dans Whiplash. La séquence d'intro, la grande séquence de comédie musicale en plan séquence dans un embouteillage, je la trouve pas très dynamique, assez molle, avec tout d'un coup tout ce qui m'avait impressionné dans Whiplash, le centre du rythme me semblait absent. La succession de comédies de numéros de comédie musicale complètement en demi-teinte et qui culmine avec ce petit morceau de comédie musicale chanté et dansé, on y reviendra, entre Emma Stone et Ryan Gosling après une soirée hollywoodienne. Et on voyait déjà toutes les limites, la volonté de tourner en plan séquence, mais à la fois de ne pas avoir des acteurs qui sont des danseurs accomplis. Et donc on est dans une sorte d'hésitation de comédie musicale en off, parce qu'en fait le film est vendu comme une comédie musicale, il est quand même très peu. Le nombre de purs vraiment moments de comédie musicale sont très légers. Après, c'est des numéros de musique avec Ryan Gosling qui va jouer du piano, des numéros musicaux, mais de comédie musicale en tant que telle qu'on l'entend comme une comédie musicale hollywoodienne, ils sont extrêmement limités. Je trouve que dès que la tragédie des personnages s'immisce, je trouve que le film commence à être intéressant dans cet aspect-là qui était déjà dans Whiplash, la notion de sacrifice qu'il y a vis-à-vis de l'accomplissement de ses rêves, et quand cet aspect de tragédie qu'il y a, et que la comédie musicale va être une version améliorée de ça, et que le film joue de ce contraste-là, le film devient vachement intéressant, le rythme s'accélère, et je retrouve tout d'un coup le sens du tempo qu'il y avait dans Whiplash, parce que tout d'un coup, il n'essaye plus de faire des numéros de comédie musicale où on danse avec des gens qui ne savent pas danser, donc il y a zéro rythme, parce qu'on esquisse des petits pas, il n'y a pas grand-chose, et quand tout d'un coup ça avance, et qu'on est dans les dilemmes des personnages et qu'il y a vraiment cette notion de sacrifice au bout qui va être quand même plutôt dure, mais qui va être enjolivée par le genre comédie musicale et la réflexion que pose Chazelle dessus, le film devient passionnant. Mais il y a effectivement cette première partie peut-être qui joue volontairement, ou volontairement il joue peut-être d'un sous-régime dans cette première partie, mais m'a décontenancé pour au final me gagner à la fin du film. Voilà, on peut passer au film suivant. Non, je suis très d'accord avec Manu.

pour moi, ça marche pas. Mais il n'y a pas de déliquescence. Il y a juste un choix, à un moment, un sacrifice c'est ça, à faire. C'est un choix, ça tombe comme un coup près. Vis-à-vis de ce qu'il doit accomplir, et qui, pour moi, qui est très clair et qui est vachement contenu dans le personnage de Ryan Gosling, qui est le premier vraiment à assumer ce choix-là à un moment. De faire l'impasse à un moment et de faire l'impasse sur cette histoire d'amour parce que le rêve d'Emma Stone est plus important à ce stade-là. Pour moi, il n'y a pas une déliquescence du couple en tant que tel. C'est un choix peut-être qui paraît un peu égoïste, un peu dur, comme il y avait dans Whiplash, hein, les relations entre le bassiste et sa petite amie qui rencontrait au bar était assez violente dans cette notion de sacrifice et de qu'est-ce que je suis prêt quel est le temps que je suis prêt à t'accorder vis-à-vis de ce à quoi j'aspire. Et c'est plus glamour dans celui-là, mais ça reste quand même sous-jacent et en sous-texte tout le long du film. Et moi, ça drive aussi quand même l'émotion que j'ai par rapport au film. Bah moi, je trouve que c'est pas incarné. Je comprends ce que vous dites, vous avez sans doute raison, mais le dilemme de Ryan Gosling de dire je fais de la variété, mais en fait c'est bien parce que ça m'aide quand même, je renonce à mes rêves, tatati tatata. Et je trouve que la question soulevée est super intéressante, mais qu'il la il la traite pas, il répond de manière évidente. C'est-à-dire que c'est une question, c'est est-ce que la volonté d'atteindre ses rêves doit-elle toujours être un deuil d'autre chose, que ce soit une relation amoureuse, humaine ou quoi que ce soit. Et à un moment, les deux personnages se répondent enfin à eux-mêmes que oui, et donc prennent cette décision-là, et c'est pour ça qu'on sent pas de délitement. C'est juste un couperet qui tombe à un moment. Et c'est une fois que la décision est prise, le film part vers autre chose. Et puis il y a cette scène que je trouve vraiment très belle à la fin, dont on parle depuis tout à l'heure, qui est même plus que belle, que j'ai trouvé fondamentalement touchante. Oui, c'est virtuose parce que pour le coup, de jouer avec une très longue boucle et un retour au présent tel qu'il est, et pas tel qu'il est fantasmé dans un monde de comédie musicale, fonctionne très bien. Il y a vraiment un rythme musical qui est quand même accompli. Moi, là où je suis moyennement d'accord avec ce que tu dis, Oli, et après on va te laisser parler, désolé, mais c'est que trouver sympathique ces petits numéros de musicaux un peu gauche, moi il y a quand même un problème qu'à un moment quand on me vend une comédie musicale et que le plaisir chorégraphique, le film est trop purement chorégraphique que j'ai n'y est pas, parce que j'ai des acteurs qui ne sont pas Fred Astaire, qui ne sont pas Gene Kelly, qui sont pas y a pas Stan Donen derrière la caméra, et c'est qu'à un moment moi le plaisir chorégraphique que j'ai comme attente quand je vais voir une comédie musicale, je ne l'ai pas à ce niveau-là, et je trouve c'est quand même un souci. Je le retrouve pour le coup beaucoup plus dans un film le remake de Footloose justement, qui était pour le coup bien plus incarné et avec un vrai plaisir chorégraphique dans ses séquences musicales. Et après je vais peut-être plus le retrouver au final dans un cinéma d'action qui a pris la relève, je pense, dans ce plaisir chorégraphique des corps par rapport à la comédie musicale, où aujourd'hui il y a quand même ce souci là de toute une école qui n'existe plus au niveau de comédien hollywoodien qu'on a plus, et donc on est incapable de faire ce type de film. Alors lui il tente de le faire en plan séquence et ça marche moyennement, mais les autres comédies musicales qui ont été tentées à la Baz Luhrmann ou à la, comment ça s'appelait, les autres comédies musicales qu'on a eues produites par Miramax, il y a eu Nine et je sais plus quelle. Ah oui, Chicago. Et Chicago. Le problème toujours, c'est que tu as des gens qui ne dansent pas de trucs, donc constamment le montage triche, et donc on est obligé de couper complètement la performance pour placer les doublures, revenir à l'acteur, placer la doublure, etc. Et au final, ce plaisir chorégraphique d'un corps qui accomplit quelque chose de virtuose à l'écran est complètement absent. Et moi, c'est quand même le petit bémol que j'ai. C'est vendu comme une comédie musicale. C'est un film qui pose une réflexion sur la comédie musicale, mais qui n'est pas une comédie musicale en tant que telle. Quoi. Ben ouais, là, il y a un mensonge sur la marchandise. Est-ce que le film, après on a la parole, Olivier, est-ce que le film n'est pas ne pourrait pas, entre guillemets, être fédérateur sur cette question-là ? Parce que je trouve quand même le film assez moderne dans sa forme, même s'il reprend, c'est un film extrêmement référencé, on n'en a pas parlé, mais il y a des références dans quasi tous les plans, que ce soit à Donen, à Minelli, mais à Nicolas Ray, à Vertigo. À Vertigo, à demi, évidemment, au 400 coups de Truffaut, hein, y a un thème musical qui rappelle vraiment le thème musical de... C'est Delerue, hein, qui a fait la musique des 400 coups. plus sûr. Enfin bref. On va éviter de passer pour des ignares, donc on ne se prononcera pas. Moi non plus, hein, je ne sais pas qui a dit ça d'ailleurs. Qui est de la rue ? Non mais enfin bon, voilà. Et qu'est-ce que... Oui, je pense que ça peut être... Ça peut être comme une... On est quand même plus proche, même si pour... je suis assez d'accord sur le fait qu'on est assez loin de la grande comédie musicale dans auquel on associe... on pourrait associer le film qui ne l'est pas du tout. Oh putain, cette phrase de merde. Ok, vas-y, parle. On va esquisser un petit pas de danse, on va passer le micro à Olivier qu'on a squeezé. Non, mais je sais même plus ce que je voulais dire du coup. Ouais, moi, il y a quelque chose qui m'a plu aussi dans le film, c'est que donc il y a des numéros dansés et chantés, surtout au début du film, quand justement ils sont dans l'espèce de comment dire, de mirage de leur histoire d'amour, dans leur histoire d'amour, dans le rêve, cette espèce d'envolée passionnelle qu'ils ont ensemble. D'ailleurs, c'est la scène où ils vont finalement... Il y a tout un suspense qui est bâti autour de ça, mais la scène où ils vont finalement consommer leur amour, ça se passe dans un planétarium, et alors on les voit qui s'envolent. Voilà, l'amour les fait s'envoler quelque part. Et après, le nombre de passages dansés et chantés, à mesure que le réel reprend ses droits, ça sèche, jusqu'à bien sûr ce final où on est complètement dans le rêve. Je trouve qu'il y a quand même un rapport justement à la comédie musicale qui est là relativement bien senti. Et d'autre part, qu'est-ce que je voulais dire aussi ? Oui, ouais, là où j'ai un problème avec le film également, c'est que je trouve que le film n'échappe pas au happy end. En fait, il en fait quand même un de happy end, puisque ils vont tous les deux... Ouais, bon, faut pas spoiler, mais je trouve que le film se termine trop bien d'une certaine manière. Ouais, mais enfin moi, il y a une mélancolie qui m'a suivi pendant des heures après le film. Pas, on peut pas parler d'un happy end à ce moment-là. Si, pour moi, c'est un happy end clair et net. Mais dans une certaine partie, dans un certain angle de vue de qu'est-ce que tu privilégies dans ta vie, le film est un happy end complet et total. Mais dans les parabules de la bourse, c'est aussi un happy end d'une certaine façon, qui est complètement miné, mais c'est un happy end. C'est un happy end fantasmé. Enfin bon, bref, moi j'ai un problème quand même avec le destin des deux personnages dans le film. Et enfin, je trouve que... Oui, c'est très chouette. Je trouve que le film est très chouette. C'est chouette que les gens aillent voir ce film et que ça fasse autant de blabla et autant de cinéma et autant de chichi. Mais quelque part, je pose la question à la cantonade. Est-ce qu'on n'est pas dans un rapport un peu... comme Doudou ? On a appelé Doudou, tout à ah fait. Ah, mais si, complètement. Et parce le que le film est quand même dans une forme de nostalgie de la comédie musicale. D'ailleurs, à la fin, c'est marqué The End, etc. Il y a l'affiche clairement. Dans les références dont je parlais. D'être dans la référence, etc., etc. Maintenant, certains peuvent penser que c'est quelque chose qui est de l'ordre plutôt du Tarantino. Mais Tarantino, qui a inventé son propre style, qui est plus de l'ordre d'une espèce de DJ comme ça, une espèce de DJ génial qui va refaire du nouveau avec du vieux. Ou est-ce qu'on est dans un rapport purement nostalgique ? Moi, j'ai plutôt l'impression qu'on est dans un truc plutôt à la Stranger Things dont on a parlé il y a quelques mois, qui a aussi soulevé l'enthousiasme des foules et qui, quelque part, ne va pas... est une espèce d'hommage bien fait, nostalgique... mais qui est quand même résolument tourné vers le passé, ce qui est quand même un petit peu triste. Moi, je suis moyennement d'accord, parce que le film soit tourné vers le passé, oui, parce qu'il est clairement post-moderne, parce qu'il se pose vraiment en réflexion sur le genre de la comédie musicale. C'est pour ça que pour moi, c'est plus un film qui parle de la comédie musicale qu'il n'en est réellement une. Ce rapport nostalgique, je pense qu'il est effectif dans la réception par rapport au film en salle, et qui est aussi, à mon avis, lié quand même au couple glamour construit par Emma Stone et Gosling, et que le film travaille. Et c'est vrai que moi, personnellement, je regrette qu'on pavase, non, c'est pas une phrase, qu'on fasse des choux gras de ce retour au ciné, l'utilisation du scope, etc., tout ça, et justement au même moment où Billy Lynn est complètement squeezé, où justement le futur du cinéma, quelqu'un qui se projette dans le futur, est complètement squeezé, et qu'on est dans une proposition rétro est mise en avant au détriment de ça. Mais j'ai pas après envie de jouer le film de Chazelle contre celui d'Ang Lee, parce que je pense que c'est pas le propos. Mais je trouve qu'il évite ce côté-là doudou nostalgique que tu dis à la Strantogine, parce que justement la dureté du propos et la réflexion qu'il a de le rendre moderne. Elle est là, c'est pas juste un objet rétro, parce qu'il pose vraiment une réflexion par rapport à ce qu'est la comédie musicale, ce qu'elle a été ou ce qu'elle est encore, et en quoi elle nous touche, parce que c'est aussi une version un peu fantasmée du réel, et que c'est pas, et c'est, et on n'est pas juste dans un truc rétro, je suis pas d'accord à ce niveau-là. C'est pas un empilement de séquences nostalgiques qui font référence à quelque chose et qui sont doudou, parce que quand même, au final, le propos, il est pas si aimable que ça à entendre. Je suis assez d'accord dans l'ensemble avec ce que vient de dire Manu. Je pense aussi que par cette réflexion qui peut être même parfois un peu distanciée, le film peut être initiateur. Quand je parlais c'est plutôt ça que ce que j'essayais de formuler tout à l'heure avec beaucoup de mal. Le film peut être comme Whiplash pouvait être une ouverture au jazz à un spectateur non initié. Le film peut être peut donner envie, en tout cas peut être une ouverture vers la comédie musicale à des spectateurs dont ce n'est pas la culture. Moi, je suis plus réservé parce que j'ai quand même l'impression qu'il te dit que c'est un genre mort et enterré. Mais Ben oui, donc après, ouvrir à oui, du coup. Tourner vers le à passé, mais regret, hein. oui, c'est ça, il a le même discours sur la comédie musicale que sur le jazz au final. Mais en même temps, mort et enterré, mais qu'il faut continuer à faire vivre. Enfin, c'est quand même ça que véhicule le film. C'est ça la volonté du personnage de Gosling, en tout cas. Moi, pour terminer, ce qui m'a le plus plu dans le film, je crois que c'est vraiment ce rapport avec entre le réel et le rêve, entre ce que tu fantasmes et ce qui est vraiment la réalité. C'est Et ce qu'il y a de plus notamment beau. la scène qui m'a le plus plu, je crois, c'est celle où il se balade dans les décors des autres films. Et il y a derrière un couple qui est en train de tourner une scène, et alors ils s'embrassent voluptueusement, les acteurs devant les caméras. Et une fois que c'est découpé, ils s'engueulent comme du pu. Je trouvais que qu'il y avait un côté très. Voilà, sur ce rapport permanent au rêve, à la réalité, à Los Angeles, Hollywood, au fait qu'on projette sa vie, donc que quand on est dans le rêve, on peut justement se mettre à danser, chanter, etc. Ça, je trouvais que c'était vraiment intéressant et touchant dans le film. Et puis Ça et la moi, bagnole de Ryan Gosling. une petite note quand même, c'est que j'ai pas toujours été très client de Ryan Gosling en tant qu'acteur. Je trouve que depuis justement Ouais, ce un Nice talent Guy, comique. je trouve j'y découvre un tempo et un timing comique de quasiment plastique, vraiment une dimension burlesque dans son jeu que je ne connaissais pas et que j'ai vraiment découvert avec The Nice Guy, que je retrouve là. Et je trouve pour le coup, dans Crazy Stupid Love, il restait encore le Patrick Swayze nouvelle version, Oh quoi, putain. parce que c'était ça. En plus, il y avait toute une intrigue qui tournait autour de ça. Et là, je Patrick trouve Swayze à qu'il. cause des yeux rapprochés, ça? Non, parce que dans Crazy Stupid Love, il y a carrément le plan pour emballer les femmes, c'est de leur refaire le numéro de Flashdance. Pas de Flashdance, De Dirty Dancing. de Dirty Dancing. Et là, je trouve pour le coup, entre Crazy Stupid Love et aujourd'hui, je le trouve un cran quand même au-dessus maintenant qu'Emma Stone dans le film. Ouais, non, mais enfin, Emma Stone, moi je la trouve fascinante aussi. Je suis absolument d'accord. Il y a un truc, oui, il a un truc physique presque kittonien qui était totalement indétectable il y a 5 ans, quoi. Très bien, donc voilà, on est tous un peu plus ou moins, même si on n'est pas exactement d'accord, on est quand même tous plus ou moins positifs sur le Dans film. peut-être juste, on peut dire Ouais, juste moi. éviter de chanter pour terminer quand même. Voilà, ouais, mais comme Manu, comme je disais, j'ai une réserve sur la première demi-heure du film. Le film fait presque 2h30, ça veut dire qu'il y a quand même 2 heures de plaisir après, quoi. Oui, et puis il dure beaucoup moins longtemps que Jackie, hein. Et bon, allez, on enchaîne tout de suite avec Moonlight. Ok. Après La La Land, voici un autre candidat sérieux aux Oscars. Donc c'est Moonlight, le film de Barry Jenkins, adapté d'une pièce de théâtre de Tarell Alvin McCraney. Et donc Moonlight compte on va dire l'enfance, l'adolescence et une partie de l'âge adulte de Chiron, qui est interprété donc par trois personnages, enfin trois acteurs différents. Et à l'âge adulte, il est joué par Trevante Rhodes, qui pour le coup s'est grimé un peu comme le 50 l'espèce Cent. de tuteur qu'il rencontre dans la première partie du film, donc l'enfance, qui lui est interprété par Mahershala Ali. Et donc, c'est l'histoire de l'apprentissage de l'homosexualité, la découverte plutôt de l'homosexualité chez un petit garçon noir qui habite à Miami dans un quartier assez défavorisé, on va dire. Au final, c'est... Vas-y, Lucien, on t'écoute. Merde. Au final, juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, je vais pas dire que c'est en filigrane, mais est-ce que c'est l'unique thème, l'unique sujet de Barry Jenkins pour Moonlight? Tu veux dire la découverte d'une Ouais, homosexualité? c'est une question que je pose. Moi, j'ai l'impression quand même que le film repose quand même en grande partie sur ça. C'est peut-être même justement une de ses grosses limites, à mon sens. C'est que c'est quelque chose qui est énoncé très tôt dans le récit. Lors De manière très subtile, par contre, je Je trouve. trouve aussi, ouais. Lors d'une séquence assez subtile, mais pour moi qui est assez révélatrice d'un des petits soucis d'écriture du film, puisque la scène, c'est une scène assez posée où l'enfant questionne Son mentor. son mentor, son tuteur, son mentor, on le voit comme on veut, qui est lui un dealer qui l'a recueilli, qui l'a protégé, qui l'a sorti d'une petite situation un peu embarrassante. Et justement, toute la conversation est déminée parce qu'on s'attend à une réaction de la part de ce personnage qui est dans l'esthétique gangsta, mais qui a quand même pris ce gamin sous son aile, et un discours plutôt apaisé sur cette question de ce gamin qui se pose une question alors qu'il est extrêmement jeune. Je sais pas quel âge il a dans 8-9 ans. 8-9 ans sur le fait qu'est-ce que c'est être gay, ou qu'est-ce que c'est même pas gay, c'est qu'est-ce que Faggot. être un PD, pas un gay justement. Et la réponse qu'il lui a portée très très posée sur bah tu verras sur ouais, la réponse très apaisée qui est posée dessus. Mais je trouve justement c'est que tout du long le film évacue vachement tout un aspect social. Il y a plein d'aspects qui sont très lissés, qui fait qu'en fait le film est censé aborder une thématique, mais en fait l'aborde pas vraiment, ne va jamais trop au bout de quelque chose. Je trouve justement le personnage du mentor qui est un dealer, mais en fait un dealer quand même au final très très propre. Tout ce qui est problématique lié à son métier est quand même très éludé. Même ce qui est le passage à l'acte entre les deux personnages Qui arrive dans une ellipse. est toujours ellipsé. Il y a toujours ça. Et même la question de est-ce qu'il est vraiment homosexuel là aussi encore déjouée, parce que c'est un petit spoiler, mais ça l'est guère dans l'avancée du film, que en fait il n'a eu qu'une relation et que c'est celle-là. Donc c'est même pas de est-ce que c'est juste sa première relation sentimentale et amoureuse et sexuelle, Parce ou que visiblement, il réellement s'est posé la question très tôt. réellement quelque chose sur un déterminisme ou quoi que ce soit. Et donc le film est je trouve à des moments assez beau parce qu'il est servi par une super belle distribution Ah ouais, ils sont tout du long, les ouais. mais je trouve justement en fait l'aspect social de la façon dans les quartiers où ça se passe, ça se pourrait se passer un peu partout parce que le contexte est hyper éludé. Il y a un côté très plastique qui est joué par la photo de laisser quasiment hors champ tout ce décor-là, mais ça en fait un bel objet cinématographique, mais ça élude aussi beaucoup de questions parce que les personnages sont toujours malgré tout un peu lisse. Même la mère toxicomane, elle est rarement montrée dans des moments vraiment conflictuels. Il y a toujours une sorte de truc très ouaté, comme la manière dont il fait disparaître un peu en flou le décor. Et aussi là, dans tous les aspects un petit peu négatif des personnages. Et c'est un petit peu la limite que j'ai sur le film, qui est malgré tout assez plaisant, hein, que j'ai suivi agréablement. Mais j'ai quand même ce souci-là dans le film. Et je trouve en plus aussi au niveau de la dernière partie, la dernière partie joue principalement sur un type de représentation du corps qu'on attend et ce qu'on sait par rapport au personnage. Et c'est un peu léger à mon sens. Ah, moi je trouve ça même, je vais pas dire brillant, mais je trouve ça très très réussi justement. Mais moi j'aime cette manière dont le film se pose et arrive, se pose comme arrivant après The Wire, comme arrivant après un des plus beaux personnages de l'histoire de la série télévisée pour moi, qui est Omar dans The Wire, d'arriver après. Je pense que le film est très conscient de ça, et donc évacue toute une partie de cette espèce de toute la question qu'il pourrait y avoir autour du déterminisme social du gamin qui au final, bon, grandit, on va pas trop en dévoiler, mais n'est peut-être pas particulièrement étonnant sur ce sujet-là. Mais je trouve quand même très beau d'arriver à faire un film qu'on pourrait qualifier de gangster, qui soit où le personnage principal soit visiblement homosexuel et sans en faire une caricature efféminée comme on aurait pu le voir, comme on a pu le voir dans d'autres. Mais c'est au final quasiment moi sa limite, parce qu'en fait il en fait juste l'image inversée à la fin. Pas tellement, parce qu'en fait il reproduit l'image de son mentor qui lui n'était pas homosexuel. Son mentor n'est pas l'image que lui il donne à la fin, parce qu'il s'habille comme tel. Mais son mentor n'est pas aussi caisse, n'est pas le sorte de monstre de muscle un petit peu bodybuildé, ouais, qu'on a à la fin, où on a vraiment l'impression de voir la vie sexuelle version homo de 50 Cent. Quoi. C'est quand même, et ça joue quand même sur ça. Il y a une partie qui joue et qui est assez brillante sur ce côté-là, sur aussi une hyper-masculinité poussée à l'extrême qui en devient tellement cliché qu'elle peut jouer sur autre chose. Mais pour moi, il est quand même... Heureusement qu'il est sauvé par une super belle interprétation, mais dans cette dernière partie où il joue principalement sur ça, il y a la limite à un moment de la parodie pour moi, parce qu'elle elle tient vraiment juste sur une représentation du corps et sur l'image que nous, on s'en fait, la culture hip-hop a développé sur ce type de rapport-là et de corps. Mais cette représentation, elle est un peu désamorcée par une scène que je trouve très très belle, qui est la scène du diner. Où justement il y a une discussion autour, enfin il y a presque tourné un peu la dérision par le second personnage de cette scène, où il désamorce ça assez rapidement dans la scène, et donc le sujet, enfin voilà, ça pour moi c'est évacué très tôt dans cette scène là et donc il reste ce qui reste, à savoir une histoire d'amour presque, enfin histoire d'amour presque comme adolescente, adolescente, c'est un premier, moi, c'est un premier amour Carouaille à ce moment-là, dans cette manière d'ellipser toutes sortes de choses pour n'en garder que l'essence. Et c'est vrai que du coup il y a une sorte de doute, il y a une sorte de, elle est presque, les personnages sont presque fantomatiques dans les derniers plans du film. Et je trouve que c'est une très belle idée autour de cette dernière partie qui dont tu parles. Je pense juste à un truc. C'est sur les intertitres, les cartons, que je trouve une très belle idée, c'est de mettre les 1, 2, 3 en minuscules, 1, 2, 3 du I majuscule en minuscules, qui font des I du jeu, quoi. Et donc tu as le premier I, tu aurais le I au carré, le I au cube, et je trouve que c'est vraiment, c'est con, c'est très simple, mais je trouve que ça en dit long sur la volonté du film, sur la volonté même du personnage aussi. Tu parles de I ? I, je... Okay. Ben, vous dites beaucoup de belles choses, les gars. Je vais avoir tombé un peu comme un cheveu sur la soupe après ça. Moi, j'ai trouvé quand même que c'était un peu un film poseur, quoi. Ouais, je sais, mais je varie. J'ai pas dit le contraire, hein. C'est quand même un film de poseur. Je trouve que tout ce qui n'est pas centré sur le personnage... En plus, tu as des personnages qui ne parlent pas beaucoup. Et tout ce qui est filmé à l'extérieur de ça n'apporte pas d'eau au moulin de l'histoire, donc ça fait du creux sur du creux, et on s'ennuie un peu tout au long de ce film qui est en plus hyper, je trouve, hyper linéaire comme ça. Il n'y a pas de heurts dans cette histoire. Tout, il y a une espèce de truc où, de nouveau, c'est un film qui manque cruellement de relief, je trouve, au niveau émotionnel. Tout est une espèce de tunnel comme ça, où en plus on sait prédire exactement ce qui va se passer. Il n'y a aucune surprise dans le film. Après, esthétiquement, oui, c'est pas mal. Les interprètes sont bien. Et c'est vrai qu'il y a cette volonté, hein, c'est clairement une volonté, c'est un choix de mise en scène. Il ne filme pas le décor, il filme uniquement le personnage et le reste ne l'intéresse pas. Mais c'est aussi pour éviter toute aspérité et tout. Non, moi je Il y a un pense. côté, c'est le côté lisse que tu dis et que très attendu et aussi en partie dû à ça, à mon avis. Et c'est quand même moi un des petits soucis que j'ai par rapport au film. Moi je pense que c'est pas une enfin c'est pas une volonté, c'est parce que c'est un truc qui a été fait un million de fois et que oui qui n'est pas son Attends. sujet, c'est pas un truc, c'est pas que ça le désintéresse, c'est juste que Ah c'est oui, pas son non, mais sujet dans le film là où quoi. je dis que c'est une volonté, c'est de filmer tout en longue focale et de faire, allez quoi, c'est Il y a 80% de gros plans, un truc, c'est un peu le Xavier Dolan Black, ce Barry Jenkins, Le tu peuple de vois. la reine, mais Mais, non, mais il fait, il y a ce plan là, au milieu, la partie adolescente, où tu tournes, tu fais 3 360 sur le harceleur. C'est très très beau, moi je trouve cette scène absolument Mais. magnifique. On dirait des lions qui se tournent autour. Enfin, il y a vraiment un truc. Moi je trouve que dans la première partie particulièrement, c'est un exemple de la seconde partie, mais je trouve. Ça, les trois acteurs sont, enfin, il y a un truc, ça a dû être un code de jeu qui leur a été demandé, mais vraiment un truc du le félin quoi. Je trouve même quand il est tout jeune, tout cuss, et puis quand il vieillit Qui se fait son armure. qui se fait son armure, je trouve qu'il y a vraiment dans le regard, dans la manière, même dans les souffles, dans les trucs, ils ont vraiment un truc animal de le comment quoi, qu'est-ce qui te fait marrer? Non, mais ça devient carton, les blagues animales qui sont comme des félins. C'est vrai. Mais non, mais c'est une volonté, je pense. Pour le coup, c'est un film dans lequel je pense qu'il n'y a pas un seul personnage blanc. Il y a pas, on Non, voit même t'as pas. deux trois chicanos dans le resto Ouais, à la fin. c'est ça. Ouais. Mais merde, du coup, je me suis perdu. Oui, non, je trouve cette espèce. Parce que c'est un travelling. C'est un travelling circulaire qu'on voit aussi tout au début. C'est pas vraiment un C'est pas au travelling début. circulaire, Au début, c'est un travelling, non? Ah non, parce que c'est un plan séquence et qui. c'est Enfin, pas, non, c'est je dis juste que n'importe quoi. tu t'es en gros plan, en longue focale, et que tu vas tourner très longtemps sur un personnage. Et qui rappelle exactement le tout premier plan du film, qui est un plan séquence où le gars sort de sa bagnole et puis t'as la caméra qui tourne autour d'eux. Et je trouve. Mais on est Enfin, dans c'est. un rapport complètement différent à l'action et Ouais, à la sauf que dramaturgie cette. à ce Ouais, dans la moment-là. séquence Absolument, mais 1, c'est. c'est vraiment la passation que tu as entre Juan Et le jeune acteur? et le jeune acteur dont on a oublié le nom. Ouais, enfin, je peux pas tout retenir. Mais non, tu veux parler, Lucien, tu veux parler du moment où Non, Juan non. va Moi, je parle de relever la. son dealer. Ouais, c'est ça, de la toute première séquence du film, Ouais. l'ouverture du film. Et qui est un moment, je trouve, enfin, un des moments où on commence à comprendre, même si on a vrai, peu, qu'on le comprend fort dans la troisième partie, mais c'est un des moments où on commence à comprendre le lien fort qui va les lier, plus que juste presque cette espèce de lien paternel d'adoption. Moi, je trouve qu'il y a une très belle scène, c'est celle où il lui apprend à nager, Oui, clairement. qui est une très belle scène aussi. Mais tout le rapport à la maman, moi, je trouve que la maman est hyper cliché dans le film, C'est le quoi. personnage problématique du Mais film parce qu'il pour moi, va je jamais trouve. aussi vraiment dans le conflit. Tu me parlais de The Wire, mais au niveau de la toxicomanie, The Wire, ça y allait quand ça devait y aller sur certaines scènes, etc. Et chaque fois, on est toujours dans un entre-deux où on va jamais trop loin dans ce qui serait. Qui mettrait mal à l'aise la perception du personnage, et on est toujours dans un truc un petit peu lisse, mais même les même Mais est-ce que ce la côté-là, séquence c'est. la séquence de fin avec sa maman, et où on se dit les choses, je suis Elle va pas très loin elle dans le va pas très clash, hein. loin elle Elle va va pas pas très loin parce que les loin deux dans personnages sont l'émotion, et extrêmement elle pudiques. fonctionne principalement parce que tu vois, je suis désolé, un gros black en train de faire une petite larme, mais et parce que tu as l'image de un petit peu du gangsta tel qu'il a été Caricaturé. caricaturé dans un paquet de clips de hip-hop, mais elle joue sur ça. C'est quand même assez rare. La grosse masse qui a une larme, mais émotionnellement, ça joue principalement sur ce genre de contraste. Moi, je pense que cette scène, cette scène a fonctionné. Je pense qu'elle fonctionne plus sur le non-dit, sur le hors-champ et sur cette espèce de pudeur qu'ont les deux personnages à ne pas se dire les choses. Tout le film fonctionne comme ça. Le film, tout est hors-champ dans le film. Ouais, à part les personnages, tout est hors-champ. Mais c'est ça que je trouve très beau. Un film qui est bâti à 80% sur des gros plans de visage. Quoi. Sur hors-champ ou l'ellipse, quoi. Ouais, c'est dans 90% des. C'est une forme de pudeur, je pense que c'est. Sur moi, ça a marché, en tout cas, cette espèce de truc. Moi, je trouve qu'en fait, la façon de clôturer le récit et en fait ne marche que parce que d'un coup, tu as ce corps hypertrophié qui arrive. Mais en fait, si tu imagines un autre acteur jouer ça avec plus le corps de Juan et pas ce corps hypertrophié, le récit se termine pas très loin. Et que principalement, cette séquence, elle fonctionne, cette dernière partie fonctionne par cet aller-retour par rapport à ce corps, avec limite des petites blagues, puisque au moment où il va bouffer, où il enlève ses grosses dents en or, etc. Ça donne lui un gag, mais ça ne fonctionne que dans ce petit aller-retour et qui va pas très loin, à mon sens, au final. Et c'est qu'à un moment, ça sauve mon intérêt dans la fin du film, mais il s'émousse quand même très fortement par rapport à. Je pense juste que cette petite réunion d'ancien amant de collège, quoi. Je pense que c'est encore une fois, la vision est différente. Je pense juste que c'est que tout ce dont vous faites cas, Jenkins ne le fait pas. Jenkins, je pense que son but premier, c'est juste de faire un film comme aurait pu le faire Wong Kar-wai, mais dans un décorum tout à fait différent. C'est-à-dire toute proportion, etc. Regardez, mais c'est juste de filmer une histoire d'amour un peu improbable dans un décorum qu'il va filmer sans appréhension et sans en prenant en compte toute cette imagerie que en fait quand on va voir un film comme ça on a en nous il y a même plus besoin de la filmer, il y a même plus besoin de la montrer, de l'expliciter, elle est là, on la connaît, on en a vu assez des clips, on en a vu assez des films de ce type là bon voilà Wong Kar-wai n'éludait pas tout. N'éludez pas certains passages qui importants de ces films-là vis-à-vis de la sexualité de ces personnages. Il ne l'éludait pas. Ce que fait quand même Jenkins constamment. Je ne mets pas les deux sur un même niveau d'égalité, mais je trouve qu'il y a une volonté d'aller vers quelque chose comme ça qui est, je trouve, assez réussi, très pudique, très joli. Et j'aime qu'en fait tout ce qui soit problématique soit en hors-champ, soit ellipsé. Parce que voilà. Ça pourrait être aussi, ça aurait pu être un film sur le deuil ou sur une forme de deuil différent, etc. Et au final, ça ne l'est pas parce que ça passe à côté pour raconter autre chose. Moi, je trouve que c'est quand même intéressant de pouvoir faire un film sur sans grand sujet, malgré le fait qu'il y en ait Le fait qu'il y en ait un qui est quand même l'homosexualité. Oui, c'est ça, mais je veux dire, il y aurait pu en avoir 40 000. Coming out. Il y aurait pu en avoir 40 000 différents qui soient tous traités, ça aurait été un beau bordel, ça aurait été chiant, etc. Mm-hmm. Moi, je pense plus intéressant d'en avoir éludé 95% et d'en garder, enfin, ou 80% et d'en garder un et d'en faire un sujet sans véritablement en faire un. Enfin, de l'intégrer sans véritablement en faire un sujet ou un cas important. C'est juste, c'est une donnée du film. C'est pas un thème. Moi, je trouve ça très beau dans la. Et je pense que c'est une volonté. Il s'est bien planté, quoi. C'est joliment planté, on peut dire. Lucien, j'aurais aimé voir le film avec tes yeux. On va terminer ce long épisode de transmission numéro 7 avec American Honey de Andrea Arnold. C'est parti. American Honey, c'est le nouveau film de la cinéaste britannique Andrea Arnold, qui avait signé auparavant Red Road, Fish Tank et son adaptation très personnelle et tellurique, Théo de Hurlevent. American Honey, c'est l'histoire de Star, qui est une jeune fille issue d'une banlieue, on va dire, white trash, et qui rencontre une espèce de groupe de jeunes déclassés, on va dire, ou qui se cherchent un peu,

Et c'est qu'à un moment, cette esthétique lofi, où quasiment la moitié du plan, la moitié du film et la moitié des plans sont à moitié fous, à moitié nets, parce qu'on n'est jamais trop à la bonne distance vis-à-vis des acteurs, et qu'à un moment, pour moi, j'y vois complètement la fabrication. Je vais peut-être faire un retour un an plus tard avec un film qui t'avait, où on avait été justement en désaccord, qui était le film d'Inarritu, où l'esthétique courte focale et plaquée contre les acteurs te posait problème et te sortait du film. Pour moi, American Honey, ce n'est que ça. C'est un moment, pour moi, dans ces séquences en courte focale posée, collée contre les acteurs, avec très. Un moment, dans ce van, j'ai l'impression d'être au zoo, quoi. C'est pas loin de ça. Et puis, pour le coup, effectivement, tu as bien anticipé ce que je pensais sur le reste du casting. C'est que oui, elle existe, elle est excellente. Et c'est effectivement une sacrée révélation. L'actrice principale, Shia LaBeouf, est super bien. Et l'actrice qui joue la patronne, mais le reste, ils ont beau être omniprésents à l'image, ils n'existent juste pas, quoi. Et pour moi, c'est déjà un souci du film. Et constamment, pour moi, cette esthétique se rappelle à moi et me sort du film, parce que ça se retrouve dans le montage, ou une séquence de porte-à-porte entre Shia LaBeouf et, du moins, entre Jack et Star, et sont confrontés à une famille d'Asiatiques. Et tout d'un coup, tu as un plan qui t'est rajouté juste pour une phrase, où tu as une saute complètement dans l'image, parce qu'on a voulu rajouter un petit truc dans l'image, mais qui n'apporte rien, mais qui te fait juste sortir. Ou la séquence d'étreinte entre la deuxième séquence d'étreinte entre Jack et Star, où carrément, là, le caméraman, tu te plaignais de Leonardo DiCaprio qui soufflait sur la caméra, mais pour le coup, il y avait une vraie intention de narration dedans pour lier les personnages dessus. Là, carrément, on a le caméraman qui recule parce qu'il est à deux doigts de se prendre les acteurs en pleine poire. Et c'est qu'à un moment. Pour rajouter de l'eau à ton moulin, ça arrive deux fois. Ça arrive dans les ça deux arrive scènes. Non, mais dans cette scène-là, ça arrive deux fois déjà. Dans cette scène-là, ça arrive deux fois. Constamment, la caméra recule et tu te dis, mais c'est juste l'opérateur qui est en train de reculer. T'as l'impression d'être dans un mauvais porno, je suis désolé. Pour moi, il y a quand même un problème de l'esthétique à un moment du film qui me sort complètement. Je suis désolé, quand moi, la moitié du film est flou. Parce que je veux dire, les champs contre champs en mouvement avec des acteurs avec des courtes focales qui sont quasiment pas nettes, où je les distingue pas, ça me pose problème. Alors ça donne un côté effervescent au film qui, effectivement, il évite la longueur parce qu'aussi te matraque bien à coups de tube Americana tout le long du film. Donc ça te permet de donner un côté un peu clipesque avec des personnages qui chantonnent régulièrement dans un van, etc. et qui créent une petite structure. Et puis moi, j'ai quand même un gros, gros, gros souci avec la fin du film, où j'ai l'impression qu'elle ne sait pas du tout où conclure son film, Andrea Arnold, parce que on a typiquement une scène qui succède à la grande séquence de crise entre Jack et Star, où la patronne va convoquer Star une énième fois dans sa chambre d'hôtel, et il y a une énième fois un truc qui est pas mauvais, qui est donné sur le doute que peut avoir Star sur la personne qui se trouve dans la chambre, si c'est Jack ou pas, et qui est plutôt intelligemment fait parce qu'elle repose principalement sur du sous-texte et sur de l'image et sur les décisions qu'elle va le faire, qui passe pas par le. On n'est pas dans quelque chose de verbal, mais on se retrouve dans cette scène-là avec la patronne de Star qui lui dit Jack, c'est terminé, je l'ai renvoyé, il l'occupe pas, elle lui tient tout un discours très négatif sur le personnage et qui fait plus partie de l'équation, alors que ça devrait affecter Star. Séquence suivante, ça n'a aucune incidence dans la séquence suivante, et comme par hasard, fin de la séquence suivante, il revient. Donc l'enjeu qui est posé juste avant, il n'existe pas, puisque déjà l'actrice ne le joue pas, à croire que peut-être cette séquence n'existe pas à cet endroit-là dans le métrage et qu'elle est déplacée. Mais le fait qu'en plus Shia LaBeouf revienne à la fin te pose l'inanité de la séquence que tu as eue auparavant. Et puis après, il y a un côté aussi super misérabiliste par moment dans la mise en scène, et typiquement qu'il y a encore une fois dans cette séquence de fin, où Star va faire du porte-à-porte, et là, pour le coup, on n'est plus chez les riches, on n'est plus chez les riches du pétrole, on n'est plus chez les cow-boys, on est chez messieurs les pauvres, on est un peu comme au début, un peu chez elle. Et elle va pénétrer dans la maison d'une famille qui, effectivement, est sacrément déclassée, on le comprend très vite, mais non, Andrea Arnold va bien devoir nous expliquer. On va ouvrir le frigo, on va bien comprendre qu'il n'y a rien dans le frigo, on va voir la mettre toxico, on va rappuyer un deuxième coup, Et la petite star va aller faire les courses pour la petite famille. C'est d'une lourdeur hallucinante. Et la fin, juste alors, le retour au... et c'est juste surappuyer quelque chose que tu, qui est déjà là à l'écran et de l'appuyer une première fois avec le frigo, une deuxième fois avec la mer, une troisième fois avec les courses. Pour moi, c'est quand même enfoncer trois fois le clou sur le parcours du personnage. Et la fin, on te fait un truc vaguement poétique avec je te donne un petit crapaud. Alors c'est, pour moi, c'est on a eu, je pense qu'ils ont, on a aimé ça à Cannes, les petits oiseaux chez Dolan et la petite tortue chez Andrea Arnold. Mais c'est de façon de faire un peu poétique pour conclure un film qui sait pas trop où il s'arrête. On n'est pas dans le même on n'est pas dans le même niveau de d'apoésie que chez Dolan, quoi. On n'est pas loin, hein. Parce que tu parlais de tu disais comment c'est que parce que là, il n'y a pas qu'un petit oiseau hein, dans le film. Hein. Il y a des animaux, il y en a tout le long du film. Et c'est, ça commence avec les araignées sur le mur de la chambre quand elle s'en va avec les gosses au début. Tous ces plans, il y a une séquence rien. Avec un ours. Et c'est pas un crapaud à la fin, c'est une tortue. je me suis déjà autocorrigé, hein, Oli. Bah ouais, parce que le film n'est pas, au final, pas tellement moins tellurique que Léo de Rolore. Ah bah non, complètement, et moi je trouve que ça confère une vraie poésie au film. Ouais, moi je trouve aussi. Donc, Manu, pour déconstruire tout ce que tu dis, l'une chose après l'autre, tu as commencé par dire quoi ? Tu as commencé par dire, quoi, la fin ? Non, moi, principalement, mon gros reproche, c'est la mise en image. Ah oui, la mise en image. Qui est extrêmement problématique. Alors, et tu disais que moi, ce qui m'avait gêné principalement dans Le Revenant, c'était le côté virtuosité, gonflage de muscles. Ici, on est tout le temps avec eux, tout le temps il y a un côté, une esthétique où, en effet, à mon avis, le caméraman est en effet très proche. Il fait sans doute partie de la scène, de la chorégraphie elle-même. Et je trouve que, selon moi, ce qui s'est passé, que je trouve le film dramaturgiquement très bien construit. Très bien construit, parce qu'il avance toujours par palier. Je trouve qu'il y a un vrai... Pour le coup, il y avait plein de films ici qui manquaient de relief. Je trouve ici qu'au contraire, ici, il y a une vraie ascension. Et beaucoup plus qu'il n'y paraît, en fait. Le film, le récit est beaucoup plus structuré qu'on ne pourrait... Ouais, voilà. Je trouve il y a quand même beaucoup de fausses pistes qui mènent nulle part. Hein. Non, c'est pas vrai. T'as que des... On prend par exemple la très belle séquence... Ou Star. Ouais, mais c'est ça. Moi, je trouve que tout part en camion avec un premier camionneur et qui se passe très bien, qui est très apaisé, qui est le premier à lui poser une question sur qu'est-ce que sont ses rêves, ses aspirations. Première séquence du film qui tire des larmes. Et qui se non, mais qui est une très belle séquence du film. Je veux dire, le film n'est pas exempt de vrais beaux moments. Hein. Je vais pas jouer sur ça. Mais c'est que typiquement cette séquence se conclut par une scène où elle se retrouve dans un espace un peu désertifié entre deux tronçons de route, et elle va marcher dans du sang. Et les séquences suivantes, il y a toute une mise en attente qui est prononcée sur son second rendez-vous dans une bagnole avec quelqu'un, avec un cadre beaucoup plus anxiogène, qui est rappelé à la fois au moment où on arrive dans la ville sur les meurtres qui ont été perpétrés, par le sang qui a été annoncé, et qui n'aboutit à rien, à une petite branlette auprès d'un feu follet de pétrole. Parce qu'en fait, et là, pour le coup, il y a un moment, on t'annonce un truc et on n'y va jamais. Pourquoi ? Parce que le film est bienveillant. Parce que le personnage de Star, qu'est-ce qu'elle fait dans le film ? Elle joue avec le feu, sans cesse. Elle joue avec le feu. Et cette séquence avec le type, en effet, des champs de pétrole, elle fait aussi écho à une séquence avant avec trois types avec des Stetson. Elle fait écho à plusieurs séquences. Et elle joue avec le feu. Heureusement, elle a de la chance qu'elle tombe justement pas sur la lie de l'humanité à chaque fois. D'autre part, le truc avec le camionneur, justement, on est dans une séquence très belle où il lui dit ses aspirations, machin. Elle est avec un type très sympa. On est dans un moment de grâce sur du Bruce Springsteen, donc Lulu ne me contredira pas. Et quand elle descend de ce camion, elle voit que c'est qu'on conduit des bêtes à l'abattoir. C'est quoi derrière ? C'est l'abattoir, et c'est pour ça que le champ dans lequel elle marche juste après est plein de sang. Et donc c'est ça qui est très beau dans le film, c'est que c'est un roller coaster émotionnel, ce film. Et pour elle aussi, elle passe sa vie dans le film à sauver des animaux. Il y a une séquence où elle sauve une abeille, etc. Et donc elle est dans cette séquence très belle avec le camionneur où elle a un moment d'intimité. Elle descend et elle se rend compte que les animaux sont conduits à l'abattoir. Donc t'as en 5 secondes, t'as un renversement émotionnel, parce que elle est dans un moment de grâce, et tout de suite après elle est dans un moment et t'enchaînes derrière avec une mise en tension sur ce rendez-vous qu'il y aura dans ce domaine des puits de pétrole. Et t'as une gradation avec qui est annoncé sur les meurtres qui ont été commis dans la région, sur le côté quand même très glauque du rendez-vous, et pour aboutir à pas grand chose derrière, et qui finit avec une scène de confrontation avec Shia LaBeouf qui finit où on évite le récit, et une scène de confrontation avec la bosse où on évite les choses, et qui aboutit où ce qui s'est passé n'a aucune incidence. Moi, je veux bien te passer une demi-heure pour un film qui dure 2h45 à construire ça pour n'aboutir à rien. C'est pour moi quand même un souci. Toutes les scènes, moi je trouve que toutes les scènes, comme je disais, je pense le film, beaucoup plus, enfin, au niveau du récit, beaucoup plus structuré qu'on ne pourrait le croire de prime abord. Mais je pense que toutes les scènes, qu'il y a quelques scènes qui sortent de cette structure, mais qu'elles apportent autre chose. Comme tu viens de l'expliquer, ça peut être apporté quelque chose au personnage principal qui parfois n'est pas. Moi, je trouve que ça apporte quand même. Parce que le personnage de Shia LaBeouf, lui aussi, il change. Et tu crois qu'il est une certaine chose jusqu'à un certain point. Et en fait, donc dans la scène finale, toi, tu avais un problème avec la scène finale. Pour moi, la scène finale, il a changé. Et il le dit. Enfin, il fait une action qui montre que finalement, pour elle, il ne faut pas non plus spoiler le film, mais tu vois que ça va vers autre part. Tu vois que ça va aller vers quelque chose d'autre. Pour moi. Bon, des cadeaux, il lui en a fait plein. Donc, au final, cette scène pourrait se trouver au milieu comme à la fin. Elle serait la même, parce qu'il lui fait un cadeau comme il lui en a fait plein. Donc, je ne suis pas sûr que ça annonce grand chose de plus sur Shia LaBeouf, d'autant plus qu'il va reproduire un code vestimentaire qui est celui de tout ce qui s'est. De tous les personnages avec qui ça s'est mal passé au départ, qui sont les cow-boys qui sont présentés avec leurs lunettes avant qu'on les découvre, qui sont le mec du champ de pétrole qu'on découvre sans lunettes, sans voir son regard avant de le découvrir, et à la fin, la dernière apparition de LeBeouf de jour, pas la séquence vraiment finale, mais la séquence où il revient comme par magie alors que c'était fini, on le voyait plus, avec lui, qui est quand même une grosse arnaque, et là où il apparaît avec des lunettes noires. Je sais pas si on doit y voir quelque chose, pas grand chose, puisque de toute façon après le film te raconte rien derrière dessus, mais et moi je veux bien, après on peut parler des histoires de structure, moi je te parle des problèmes quand même de mise à distance par la mise en scène, parce qu'à un moment quand le caméraman il recule parce qu'il se prend les acteurs, moi j'ai un souci quand t'es dans une séquence intimiste et que le cadreur par deux fois il se recule parce qu'il est en train de se prendre les acteurs, comment le film peut fonctionner? À mon avis, elle a laissé ça, c'est parce que les acteurs étaient tellement bons dans cette séquence. C'est pour ça qu'elle l'a laissé, à mon avis. Je me suis posé la question. Vu le nombre d'heures de rush qu'elle a dû tourner, pourquoi elle n'a pas fait retourner ce genre de séquence quand tu as un truc où, pas une fois, par deux fois, c'est pas un micro qui descend, mais c'est limite. Hein, je veux dire, on est quand même dans l'artifice, alors qu'on est dans une séquence la plus intimiste qui doit être. C'est surréaliste. Moi, ça ne va pas poser tant de problèmes. Moi non plus, mais je dois dire. Je me suis posé la question. ça veut dire que ça vous a posé problème si vous êtes posé la question. Ouais, mais. Attendez. Mais si tu peux pas être investi, si tu poses la question à un moment, qu'est-ce qui se passe? C'est que t'as quand même un souci. Ouais, mais ça peut être deux fois 10 secondes sur 2h40. T'as une telle énergie entre les comédiens. Ce que je voulais dire tantôt, c'est que, tu vois, à mon avis, ce qui s'est passé, c'est qu'elle savait très bien où est-ce que les scènes allaient dramatiquement, et qu'ensuite, en effet, elle laisse plus ou moins improviser les comédiens, et que ils la refont plusieurs fois, le cadreur a plusieurs indications, et qu'après, elle monte là-dedans, parce que c'est clairement pas découpé. Attends, c'est c'est pas un découpage hyper compliqué pour le pour typiquement on n'est quand même pas dans des séquences élaborées pour que cette séquence là à un moment bah, elle est juste, c'est juste une prise ratée, je suis désolé hein, parce qu'en plus c'est pas immense ce qu'on voit, on voit juste leur tête, on voit même pas leur regard, etc. C'est surréaliste d'avoir un film qui est sélectionné dans un type de festival où ce degré d'exigence cinématographique au niveau de la technique, ça passe complètement à l'as. Bon, ok, on a une prise ratée, on la monte, c'est pas grave. C'est et pour moi, c'est un truc. Moi, je ne peux pas, à un moment, rentrer dans un film qui constamment me rappelle, me veut jouer l'immersion et me rappelle constamment la technique. Pour le coup, on parlait de The Revenant juste avant, la technique, elle était très clairement là, mais elle était vraiment au service de mettre dans l'immersion. Là, constamment, la technique, elle ne fait que montrer que ses limitations. Là, pour le coup, ça aurait été intéressant qu'Andrea Arnold le tourne en 120 images secondes, parce que pour le coup, le fait de tourner dans ses focales et de constamment être flou dans ses mouvements, elle aurait peut-être gagné un peu de lisibilité dans ce qui se passe, parce que la rencontre entre Shia LaBeouf dans un supermarché, etc., elle est illisible, complètement illisible, parce qu'on est complètement en mouvement avec des trucs, et le personnage de Shia LaBeouf est quasiment flou à l'image. Attends, moi, j'ai un souci, quoi. Je ne veux pas voir un film sur un grand écran pour voir la moitié de l'écran à moitié flou. Non, bah ouais, peut-être. Oui, enfin, moi, c'est quelque chose. Pour être franc, ça, pas mal de choses. J'avais adoré le film aussi à l'époque, mais ça fait un petit bout de moment que je ne l'ai plus vu, donc j'ai pas mal de choses sur lesquelles. Enfin, que j'avais oublié, entre autres, les reculs. Quand vous en parlez, je me souviens m'être posé la question, mais voilà, c'est pas ça qui me restait du film, c'est d'autres choses. Juste pour rebondir sur ce que tu disais avant. Par rapport aux personnages secondaires inexistants. Moi, je trouve que c'est une belle idée que ces personnages n'existent que par ce qu'ils font, en fait. Comme je disais... C'est-à-dire boire, picoler, être un peu teubé, je sais pas. Avec une caméra qui leur colle à moitié au visage pour leur déformer la gueule comme aux os. Moi, je sais pas. Comme dans une ruche. Moi, je suis plus sceptique, hein. Continue Lucien sur ce que tu disais. Mais je sais plus ce que je disais. Je faisais. Ouais, mais non, mais c'est exactement ça. Mais du coup, ils existent uniquement par ça. Ils n'ont pas de construction autre. Et je trouve que c'est une très belle idée. Ça laisse la place au vrai personnage. Et après, peut-être les transformer en animaux, c'est la vision tellurique et de ce rapport aux animaux qu'il y a pendant tout le film. Peut-être que en fait, les animaux sont déjà là, peut-être dans le van, quoi. Zoologique, ça pourrait tout à fait être intéressant. Par exemple, toute une storyline sur, pour faire une digression qu'on ne montrera sûrement pas, mais elle a une storyline sur une des collègues dans le bus, qui est dans les rares personnages esquissés, qui est celle aux cheveux courts, blonde, qui se réveille la nuit. Elle n'en fait rien derrière. C'est une petite séquence. Et puis après, on la voit de temps en temps, mais il n'y a rien qui est développé, il n'y a rien qui sera tué. Il y a plein de trucs comme ça qui... J'ai l'impression qu'on a improvisé une scène où il fallait montrer un petit peu le malade du personnage, mais le personnage n'est jamais traité, quoi. Et il y a plusieurs personnages comme ça qui ont tout ce qui est, tu parles de mythologie, typiquement ce qui est annoncé comme un truc assez violent la semaine de Loser, c'est éluder à une vitesse grand V cette séquence là pour pas vraiment la traiter, alors que tu l'attends quand même cette séquence là elle est à peine Elle est super light, hein. Elle est uniquement traitée dans le moment de Star qui va j'embrasse le vainqueur pour rendre jaloux Shia. Mythologiquement, pour le coup, pour moi, elle est foirée. Hein. Mais Olivier, écoute plus rien depuis une demi-heure, elle est juste. Mais moi je trouvais ça bien en fait qu'on en fait le film il est bien en fait que le film n'aille pas où je pensais qu'il allait, genre vers un pétage de plomb de la nana qui croit en Dark Vador comme au Christ. J'étais content de pas voir ça en fait, et j'étais content de pas que le film me surprenne constamment. Ça peut être juste un écho au fait que Star peut éventuellement s'abîmer dans cette nouvelle dynamique dans laquelle elle est. Et d'autre part, toi, tu dis du mal de la séquence de fin. Moi, elle m'a saisi d'une émotion vraiment forte et indicible. Je savais pas si j'étais ému, si j'étais si c'était de la joie, si c'était de la tristesse, parce que je sentais que j'allais quitter les personnages. Je sentais que ma poitrine allait exploser, mais je savais pas mettre les mots pour le dire. Comme là, maintenant que tu me démontes le film, je n'arrive pas à mettre les mots pour te contredire. C'est toujours dans ce sens-là que ça marche. N'empêche que moi, la proposition d'André Arnold dans ce film-là et la construction scénaristique du film et le côté hyper neuf, je trouve, de ce film, et l'énergie la liberté qui traverse le film, moi je l'ai en fait c'est ça quoi. C'est un film qui tient sur sa liberté plus que sur sa maîtrise. Et j'ai pas envie d'être méchant, mais c'est des beaux mots. C'est des beaux mots, mais moi il m'a saisi le film. Concrètement, la liberté, ça peut exprimer plein de choses et pas grand chose aussi. Je veux dire, à un moment, la liberté, oui, tu parles d'un road movie. Mais pour moi, il y a un moment, le film pêche par une accumulation et ne pas savoir où il est. Et moi, quand tu me reviens systématiquement à cette dernière séquence, moi, celle qui me pose vraiment problème, c'est les deux séquences juste avant où il y a quelque chose qui se contredit dans ce qui est en l'échange entre Star et sa patronne. Qui est complètement annihilée, où dès le plan suivant, Star, ça n'a aucune incidence qu'on lui a dit sur Shia LaBeouf. C'est absolument impossible vu ce que tout le film a raconté sur eux deux auparavant. À ce moment-là, est-ce que c'est pas, moi je crois bien que c'est plutôt la patronne qui dit que lui est parti et qu'elle l'a pas viré, c'est juste qu'il est parti. Et s'il revient, est-ce que c'est pas juste pour elle ? Ah non, elle ne lui dit pas qu'il est parti. Elle lui dit clairement que c'est fini, qu'elle l'a remplacé. Puis c'est clairement montré explicitement par deux nouveaux Jack représentants. Je me demandais si ça allait pas finir en petit gangbang dans la pièce. On y arrive après le gangbang, c'est ça le truc. Mais non, justement, pour moi, il y a vraiment, et là, il y a un truc intéressant dans le fait que Star ne va pas donner toute la somme, parce que tout d'un coup, elle découvre que ce n'est pas Jack qui est caché derrière les draps. Mais juste après, le fait qu'elle lui annonce que c'est fini, grosso modo, elle lui dresse un portrait hyper noir de ce qu'est Jack. Tu y crois à moitié parce que tu sens qu'il y a aussi beaucoup de ressenti de la part de la patronne, mais que Jack, c'est fini, tu le reverras plus jamais. Et ça ne joue en rien. Elle ne joue aucune émotion, elle n'a rien. Elle n'a rien dessus, alors que quand on l'a vu, les rapports qu'elle avait fusionnels avec Jack tout au long du film, c'est impossible qu'elle réagisse comme ça. Moi, ça m'a pas dérangé. Ouais, non, mais c'est toujours cette question, enfin comme tu le disais tout à l'heure, de. Oh putain, non, ça sert à encore penser compliqué à formuler et qui n'apportera rien. Bon bref, n'écoutez pas ce mec, ce film est une claque, c'est super bien ce film, allez-y. C'est toujours plus difficile de formuler des arguments positifs que des arguments négatifs, et je dis pas ça pour descendre les arguments de Manu du tout, je trouve que j'ai exactement la même chose dans l'autre sens. C'est juste que... Oui d'ailleurs, c'est un truc qu'on ne montrera pas, donc la discussion est simple. Attends, alors on doit conclure alors. Ouais, concluons. Bon, et bien le voilà, le premier vrai schisme de transmission où vraiment nous ne serons pas d'accord. On dit ça à chaque épisode en fait. Non, parce qu'avant on était quand même plus ou moins d'accord. Cette fois-ci, je crois qu'on est irréconciliables. Voilà, maintenant Manu et moi, on a un différent. Et ouais, bah, du coup, moi aussi. Et je pense d'ailleurs que cette transmission s'arrêtait là. Très bien, on va passer tout de suite au conseil. C'est parti. Alors, sur ces entrefaites... Après s'être battu avec Olivier... Après, voilà. On a réglé ça à la loyale. Faut pouvoir aller un peu comme ça, comme tu nous as bien dedans. Défoncer la gueule à Olivier sans André Arnold. Alors, après avoir réglé nos comptes hors antenne... Manu, quel sera ton conseil pour cette émission de transmission ? Ne l'écoutez pas, d'office. Pour plus mon conseil, je vais rester dans le domaine de la comédie musicale avec, avec La La Land qui m'a un peu frustré dans ce domaine-là. Même si j'ai apprécié le film, et je conseillerais plutôt un film qui n'est pas une comédie musicale, mais qui y ressemble fortement dans sa manière justement de plaisir qu'il suscite chorégraphique, qui est Scott Pilgrim vs. The World d'Edgar Wright, et qui est justement structuré sous forme de chapitres avec des petits moments qui sont des moments, pour le coup, de plus du domaine du jeu vidéo ou d'arts martiaux, mais qui reproduisent vraiment cette sensation de pur plaisir kinétique qu'on peut avoir dans une comédie musicale et qui était assez absente de La La Land. Et voilà, donc si vous avez été frustré vis-à-vis de La La Land, revoyez Scott Pilgrim vs. The World, qui est un petit bijou signé Edgar Wright. Lucien. Ouais, moi je vais vous parler, je vais vous proposer de vous ruer sur un coffret Wildside qui est absolument merveilleux. Ils sont beaux chez Wildside. Non mais ouais, ouais. Lucien. Moi, je vais vous conseiller de vous ruer. Attends, on va le refaire parce que sinon après le montage. Lucien. Je vais vous conseiller de vous ruer sur un film peut-être un peu. Un peu méconnu, un peu mésestimé. Voilà, exactement. Je vais vous conseiller de vous ruer sur un film un peu méconnu, un peu mésestimé de Coppola, qui est pourtant. Et c'est plus trop le cas, hein. C'est plus vrai maintenant parce que tout le monde jure que par ce film. C'est devenu un film doudou. Bah, c'est un film que pour le coup, qui... enfin oui. Je vais vous conseiller un film de Coppola. On va reprendre du début parce que là, t'es nouveau. Ouais. Je vais vous conseiller de vous ruer sur un film de Coppola qui est Rumblefish, qui est ressorti il y a quelques jours chez Wildside dans un beau coffret. Tu fais fâcher du beau coffret si tu n'as pas vu le coffret. Vrai. En plus, arrête de vendre un truc que t'as pas en non, c'est... Je vais vous conseiller un film de Coppola qui s'appelle Rumblefish, qui ressort chez Wildside en 4K, qui est ressorti il y a quelques jours. C'est un film qui a longtemps été un peu mésestimé et méconnu, mais qui est probablement un de mes préférés de Coppola, qui a eu une influence énorme, je pense, sur toute l'imagerie, avec tout ce qu'il y a de bon et de moins bon dans les clips MTV à toute une époque. C'est un des plus beaux rôles de Mickey Rourke pour moi. C'est la partition de... c'est comment le batteur de Police, Caulfield, comment il s'appelle? Merde. Stuart Copeland, qui est absolument, absolument génial. Donc voilà, si vous avez l'occasion de mettre le prix, foncez là-dessus. Ok, et moi toi, je vais pas. Et toi, Oli. Et toi, Oli, qu'est-ce que tu nous conseilles? On attend que ça. Bon, moi je vais parler d'un film qui vient de ressortir en DVD, enfin qui vient de sortir en DVD et que je n'avais pas vu l'an passé et qui aurait bouleversé mon top 10 2016, c'est The Strangers de Na Hong Jin. Voilà, pour le coup, je trouve que c'est un film soufflant, scotchant, complètement inédit, nouveau, un peu comme American Honey. La fin, elle est un peu. Quelque chose. On va pas relancer le débat là, sur ça. Non, mais voilà, un film que vous avez jamais vu qui va pas là où vous attendez, qui pourrait commencer comme un ersatz de Memories of Murder et qui surprend constamment son spectateur, qui pour le coup là est profondément noir et désespéré, qui je pense va apporter aussi pas mal d'eau au moulin de ceux qui pensent, enfin sur le racisme en Corée, je pense qu'on n'a pas fini de parler de ce film là. Qui me semble quand même assez ambigu, mais c'est une démonstration de mise en scène et d'écriture qui me semble absolument terrassante. Et voilà, je pense que c'est vraiment ce que le cinéma avait à apporter de meilleur en 2016, peut-être avec elle et 2-3 autres. Yep. Très bien, bah ce sera fini, ce sera tout pour transmission numéro 7. On espère que vous nous aurez apprécié après cette longue émission et que vous êtes encore là. Et on se retrouve dans, on l'espère, pas trop longtemps. Ciao.